Non, mais je vais faire comme ça, je vais faire. Et bonsoir, c'est mon. J'ai réécouté, je le fais à chaque fois, donc ouais, je vais le refaire. Ah, c'est ton petit truc. C'est mon gimmick. Nickel. Trop cher. Bon. Ok. Vous êtes tous chauds ? Oui. Vas-y, ça va chaud, le faire. Jamais. Je pense qu'à un moment, faut. Faut y aller. C'est comme vas-y. Plonger dans une piscine. Ça fait un an qu'on n'en a pas fait, là, on y va. Allez, on y va. On y va, sans mettre de l'eau sur la nuque. Allez, c'est parti. Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Et bonsoir à tous et à toutes. Yes. Bienvenue dans le nouveau podcast. Pas une saison 3 du coup. Ouais, en série. Oh là là, on se voit en retour, c'est incroyable. Je vais vraiment pas regarder. Ouais, c'est perturbant, il y a un décalage. Donc nouveau décor de podcast. Alors déjà, bienvenue chez moi. Incroyable. On commence par hors série parce que voilà, on est pas voilà. On prend notre temps on pour rodé, redémarrer rodé. Doucement. Ça fait quand même un an qu'on n'a pas démarré. Déjà, comment ça va, Jules? Bon, écoute, super. C'est incroyable, on se voit en face. On a On peut se toucher. Presque. Ah faire, oui, un peu. Allez, on est vacciné. Ouais. On est doublement vacciné. C'est gênant, tout va bien. Ouais. Bon. Ce soir, nous sommes avec qui? Présente-les, Jules. Je te laisse. Bah, écoutez, de droite à gauche, pour faire comme les Japonais, hein, les Nippons, les petits Nippons. Théo, sans la ville. Oh putain. Ah oui. Ah donc non, on est. À quel point il a, parler, il a quand même un... le micro et. Ouais. Ouais, on est-ce va que, est-ce que vous avez tous un Warcry comme ça? On va tester avec Victor après. J'aurais dû vous prévenir avant. Ça a saturé direct. Sans la vie, tu es batteur dans la vie. Ouais. Ah, j'ai cru que tu es. C'est bon, tu peux partir. Tu ah, es banni. Tu es banni. Remercié. Ce podcast. Tu es batteur dans oui. Deux groupes, à ma connaissance. Ouais, voilà, ouais. On va dire. Whist et Deep Mérise. C'est ça, exactement. Deep Mérise avec. Bonjour. Avec bonjour. Avec Victor Meillery. C'est moi-même, Victor. Mon grand frère que vous avez déjà vu dans le saison 1, épisode 5, Herbier de merde. podcast formidable. Et il revient nous prêter main forte pour toujours plus d'anecdotes. Victor, tu officies en tant que bassiste. C'est toujours ça, ouais. C'est toujours vrai. Ils n'ont pas voulu changer de toute façon. Quelle est ta couleur préférée? Oui. Allez, okay, parfait. Ça toujours bien. Théo Perron. Bah, bon. Tu veux continuer à faire peut-être la deuxième moitié. Si tu veux. Bon, Théo Perron qui est là en tant que producteur de l'émission, oui. Fidèle acolyte de Powercast, c'est un peu le. Théo est devenu le prod. Le, ouais, il allait chercher les pizzas. C'est limite le co-présentateur sans micro finalement. Oui. Il est là. C'est quand même le plus fidèle de l'émission. Il est venu le 4 fois, je crois. 4 fois. J'adore le rock. Voilà, oui. Il est dans rocker avec nous. Et juste à côté, Clémence. Membre de plusieurs groupes quand même. Oui, j'ai pu voir le 26. Alors, Telem récemment, oui. Mais avant il s'appelait Landsway. Et d'autres. Et groupes. Les Slacks. Les Slacks. Qui est un groupe acoustique. Et d'autres. Et plusieurs formations d'orchestre. Voilà, je suis aussi en tant que violoniste. Oui. C'est marrant parce que je suis obligé de me tourner. Je tourne le dos à la caméra. Mais bon, ça, c'est bien un truc de radio, ça, c'est. Alors, et tout. C'est un peu radio. Voilà, donc pas mal de Zikos ce soir pour parler. Tous Zikos. Ah, ça va être hashtag. Même Théo. Tous Zikos. Même le prod, il a mis la main à la patte. Tout à fait invité, il est quand même Zikos. Non, mais du coup, pour parler un peu ce soir de nos souvenirs de concerts, voilà, on se dit c'est un thème un peu large, à la fois des concerts qu'on a vus, des concerts dont on a participé. Oui, oui. Voilà, il y en a qui ont fait plus de concerts que d'autres. Oui. Voilà. Mais statistiquement, c'est probable. Présente vérité générale. Mais il y aura des anecdotes, etc. Je vous propose. Alors, il y a Maxi Eli qui nous a donné 20 bits et on a la petite. Merci pour les 20 bits. Je ne sais pas à quoi ça sert sur Twitch. On n'en a jamais eu. Donc... Régal, Max. Ça fait combien en bitcoins? Alors, ça fait plaisir en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Maxi Eli. C'est un plaisir. On va commencer déjà pour se mettre en jambes. Je vous propose un tout petit jeu. Ça va aller très vite parce qu'en fait, j'ai 4 anecdotes. En gros, j'ai chopé des anecdotes un peu connues qui se sont passées dans des concerts. Il faut deviner un peu quel est l'artiste ou le groupe qui a fait ce genre d'anecdote. Alors les deux, vous connaissez déjà la première, vous avez fait un test. Ce sera un échauffement. Voilà. Donc si je vous dis, par exemple, je lis aussi le chat, ça me perturbe, faut pas que je fasse ça. Vous aussi, vous pouvez participer dans les jeux. Oui, bien sûr. Tout à fait. Non, en fait, j'en sais rien. N'hésitez pas à jouer. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On le fait à chaque fois. Si je vous dis qui, pendant un concert, a décapité une chauve-souris a priori vivante. Voilà, plein concert sur scène. Ok, est-ce que ça commence par un M? Marine. Non, par un O. Alors ça commence par un, ça commence par un O. C'est Ozzy Osbourne. Ah, c'est Ozzy Osbourne. Ouais. Mais Marilyn Manson, c'est la première réponse qu'on avait dit avec Théo aussi. Ouais. Tu connais l'anecdote complète ou pas? Parce que généralement, quand tu décapites des trucs. Non. Tout le monde croit que c'est Marilyn Manson, c'est fou comme il a une réputation. Ouais, ouais. Mais sinon, moi, c'était ça ou le mec, le chanteur de Rammstein. Parce que lui, il y avait une histoire avec un poussin, mais je crois que c'était faux ça aussi. Mais puis bon, il s'avère que vraiment, en fait, c'est un connard de violeur, en fait. Ouais, il paraît, il paraît. Il parlait à peu près du micro, on les entend un peu loin. Ouais, ouais. Là, ça, on vous entend quand même, ouais. Yes. Premier name drop de la soirée. Allez, on va avoir des problèmes. Ça dénonce. Yes. Du coup, l'anecdote, c'est que dans le public, apparemment, il y a un mec qui a lancé la chauve-souris au pied d'Ozzy Osbourne. Et en fait, Ozzy Osbourne, bon, qui était un peu zinzin quand même, a cru que c'était un jouet. Oh. Et pour rendre fou le public, c'est ce qui est marqué dans le truc. S'est dit je vais le couper en deux avec les dents et en fait il a dit donc là je le cite: ma bouche s'est aussitôt remplie d'un liquide chaud et visqueux qui avait un arrière-goût absolument atroce, et du coup le chanteur dut subir de multiples tests et autres injections très douloureuses pour éviter de contracter la rage. C'est le patient zéro du Covid. Et bah à la rigueur, chais pour ta gueule. Bah ouais. Ce qui est fou, c'est que t'as des contrôles pour voir si t'as pas des bouteilles sur toi et tout. Le mec il avait une chauve-souris, il fait non, c'est bon, c'est pas dans le règlement. Dans une bouteille, la bouteille était bouchon. Ouais, il y a pas de bouchon. Donc on part sur de la cruauté animale de la première anecdote, c'est cool. Nickel, moi j'aime bien. Ça met dans l'ambiance. Non mais Ozzy Osbourne est un peu connu pour ça, ouais, avec des histoires un peu cheloues. Il y avait une autre anecdote, mais je l'ai pas chopé. Alors ensuite, alors c'est un musicien, mais vous pouvez trouver aussi le groupe au pire si vous n'avez pas le nom du musicien. Alors c'est marqué connu pour son comportement borderline. Oh. Rémi Gaillard. Philippe Catherine. Et célèbre pour être monté sur scène juste après s'être fracturé le poignet, après être tombé dans les escaliers à la suite d'une baston avec un roadie, donc les mecs qui installent les scènes, et qui donc a continué à jouer avec le poignet brisé en scotchant la baguette à sa main. C'est un groupe, donc de quel j'aurais dit, mais c'est pas un mec de la baston. Non, lui, ouais. Lui il a d'autres moyens pour faire sans, avec un seul bras. Ouais, mais je sais que j'avais déjà vu en concert, justement, jouer avec un seul bras parce qu'il avait l'autre bras en écharpe. Un batteur. Bon, du coup, c'est oui, pas lui. Oui, il y avait ça, oui, ça je l'avais vu. Ok. Ouais. Peut-être monte un peu leur son. T'es à fond, peut-être pour eux. Je ne sais pas, Théo. Joey Jordison, je crois. Ok, ça marche. C'est la première fois d'habitude, on me dit tu parles trop fort, mec. Mais ça serait. Mais essayez de chercher juste le groupe en vrai, c'est un groupe très connu. ACDC. C'est un groupe borderline, ouais. Ouais, un groupe un peu. C'est des fous. Rage Against the Machine. Non. Les Sex Pistols. Non, c'est pas les Sex Pistols. Alors attends, c'est quoi? C'est un groupe. Calogero. Metal, hard rock. Metal, ok. Ah, mais français ou pas? Rammstein? Non, non, le chanteur est mort il y a pas si longtemps. Motorhead. Linkin Park, ouais. Motorhead. Ah, alors, c'était le batteur Filthy Taylor, aussi appelé The Animal. D'accord, il s'est mis un coup de gaffe sur la baguette et en avant voilà. La musique. Et il y avait du coup aussi Dave Grohl une fois, plus récemment, ouais, du coup, cassé la jambe et qui avait quand même continué. Et pendant le concert, il s'était cassé la jambe. Je crois qu'il allait à l'hôpital 3 heures après, et les gens étaient restés, il est revenu, ils ont continué. Un malade. Ouais. Bah, juste un fou le mec en fait. Ouais. Waouh, zinzin. Quel groupe? Alors, c'est dans les années 80, faisait une liste d'exigences aux organisateurs des concerts qui incluait notamment des M&M's, pardon, mais aussi du pain frais avec un couteau cranté, une planche à découper, des nappes à carreaux rouges et blancs, licence ou encore 4. Du hareng à la crème aigre. Wow. Là, comme ça, on dirait un peu licence 4, le groupe. Oui, pardon, excusez-moi, et dans les M&M's, ils demandaient uniquement des marrons. M&M's, ça va. Mais il demandait que tous les bonbons marrons soient retirés. Ah oui, ils étaient retirés. J'ai entendu, mais je sais plus qui c'est. C'est un groupe très connu des années 80. Également, le chanteur est mort il n'y a pas très longtemps. Wham? C'est pas Wham? Non, c'est pas Wham. Et ils sont tous morts, les mecs, ou quoi? Attends. Plus le temps passe, plus les gens meurent. Oui, ah, c'est incroyable, ça. Également, on vous lira, bien sûr. Attends, qui ça peut être? Un peu borderline, mais il faut que je me rapproche surtout. Ouais, regarde. Ah ouais, on est timide. Alors, je te permets pas de me juger déjà. Est-ce que tu me trouves plus radiophonique là? Aucune idée. J'ai c'est l'impression un de. Groupe, hein, Attends, est-ce que c'est un peu rock'n'roll et tout? Oui, c'est... oui, ouais. Complètement. Bah là, il y a surtout des groupes très métal. D'accord, ok. Hard rock. Des années 80. Ouais. Oui, c'était. Aerosmith. Il y a le chanteur qui est mort il y a pas longtemps et le chanteur donnait le nom au groupe, si vous voulez. C'était. Dio. Non. Non. C'est fou ça, parce que je l'ai entendu cette anecdote. Motorhead. Panic at the Disco des années 80. Oui. Attends, le chanteur de Bon Jovi? Non. Non, mais c'est un groupe, c'est un nom de groupe du coup. Après, enfin, son nom de famille a donné. Et je crois qu'il y avait son frère aussi dans le groupe, un peu comme ACDC. Oasis? Non. Indochine? Non, c'est années 80. C'est Oasis, je crois qu'années 80. Ouais. Indochine. Junk no Captain Junk. Donc vous êtes votre langue au chat. Ouais. Plutôt, ouais. Attends, juste, c'est, on a dit c'est plutôt rock un peu hard ou ouais, tranquille. Ouais, ouais. Des années 80, Slayer. C'est plutôt hard rock, je pense. Non, non, je l'ai pas, j'avoue. C'est Van Halen. Ah oh, putain, oh, mais oui. Mais en plus, c'est Van Halen. C'est ça. Tu l'avais l'année quoi ? Non. Tu connaissais le groupe quoi ? Non, non, mais en fait, j'ai entendu l'anecdote, mais vraiment, je devais écouter que d'une oreille ce jour-là. Bah écoute, tu le sauras. En tout cas, voilà. Mais c'est marrant. En fait, apparemment, c'était un peu pour déconner au début, puis finalement, en fait, vraiment, c'était leur. Ils ont pris goût après à faire précise, chier, en fait. Quoi. Mais ouais, ça devait vraiment faire. En fait, je pense que leur challenge, ça devait se dire. Qui va être prêt à le faire, enfin qui, où est-ce que ça va craquer quoi, tu vois, il rajoutait à se trouver à chaque fois des trucs encore plus chiants. Ouais. En fait, je crois que c'était vraiment juste pour regarder que les mecs lisaient bien le rider. Oui, fait. Je crois que c'est ça, parce que en gros, alors, attends, je crois que c'est. Oui, voilà, c'était afin d'être sûr que leur hôte lisait les listes jusqu'au bout. Ouais, c'est et en ça. En fait, les ouais. M&M's, ils les mettaient ouais. vraiment à la toute fin. Ouais, c'est ça. En mode, il n'y a pas de M&M's marron dedans et tout, enfin, c'est très. Très chiant en fait. Très chiant. Toi, t'avais eu. Paul McCartney demandait quoi, de rester debout ou assis ? Assis. Assis. Je suis pas d'accord du coup. Ouais, désolé. Ouais, il demande au tout public de rester assis pendant le concert. Quel boomer celui-là. C'est clair. À la honte. Non, il est très geste barrière en fait, c'est pour ça. Mais sur ce même site, j'avais lu qu'il y avait. Je crois que c'était ce même site. Qui disait qu'il y avait la fameuse. Je vais y arriver. Allez. Je respire. Tu respires. L'histoire que Paul McCartney en fait serait mort et en fait c'était un sosie ah, de 15 oui, années parce que mais il racontait qu'en gros c'est parce que sur l'album où il traverse et tout il a les pieds nus oui il y a différents trucs il y a un clip voilà, où ils sont plein star, c'est le seul qui a une rose noire c'est que dans I Am The Walrus si tu la passes à l'envers ça dit un autre truc en oui gros, voilà il y avait ça aussi je crois qu'il est d'ailleurs sur la même île que Michael Jackson. Michael Jackson, ouais. Ouais. Et Tupac et Biggie aussi. Et il prépare un album lourd. Hein. Toutes les victimes du 11 septembre, d'ailleurs, sont toutes là-bas. Oui, c'est clair. Ouais. Ça va être dingue. Alors, la dernière, du coup, faut pas deviner qui c'est, mais c'est une question comme ça. Faut pas. Est-ce que ça va ? Non, parce que. Interdit ? Est-ce que vous êtes bien ici ? Non, est-ce que vous savez comment. Enfin, comment et pourquoi est né le fameux Doc Walk de Chuck Berry ? Vous savez, c'est dans Retour vers le futur, Marty McFly, il fait le petit truc avec la guitare. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça sur scène ? Il avait un serpent dans sa botte. Et oui, il voulait le retirer. Non, non. Moi, j'imagine qu'il s'était pété une. Il a dû foutre un coup de pied quelque part, il s'est pété les orteils. Dans et genre, il a mal et du coup, il marche comme ça. Ça aurait été incroyable que ce soit ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas un problème de câble, genre, une tournée comme ça ? Non, c'est pas un problème de câble non plus. Ah, c'est pas genre sa sangle qui avait lâché, un truc comme ça ? Ah, bien. Ça aurait pu, mais non. Eh, toi, t'es Zico, mais non. Ah, écoute. Ça se trouve, c'est une légende, en fait, c'est même pas ça. Il avait plus ceinture, il avait plus son pantalon. Attends, c'est quoi ? C'est un truc qui arrivait contre sa. Contre sa volonté ? Ouais. Et puis, il a fait, bon, je vais faire ce move. Est-ce que c'est lié à son pied ? C'est pas lié à son pied. D'accord. Est-ce que c'est lié à sa jambe ? Clémence, une idée. Je sais pas, je me dis, c'est lié à sa guitare déjà de base. C'est. C'est pas. Enfin, ah oui, la guitare c'est un a aidé. Un problème technique. La guitare a aidé. Non, là, pas de problème technique. C'est un truc corporel sur lui. C'est arrivé à cause de. Ouais, sur lui. Sur lui. Okay. Bah, il a eu un truc qui lui arrivait dessus et il a paniqué. Est-ce qu'il serait pas pris un coup de jus ? Non. Ah ouais, Yo. Je vais vachement bien quand même, hein, parce que. T'as ton micro qui tape sur ton câblos. Ah, pardon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quelqu'un lui lançait des trucs. Non. Le mec, qu'est-ce qu'il vend avec un move trop stylé, tu sais. Non, c'est pas ça, ok. Non. Il avait vu The Mask. Il s'est dit, je vais faire des mouvements un peu fantoches. Non, c'est non, pour non, l'idée à faire un mouvement un peu fantasque. C'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est tout bête en plus. Hein. Et là, c'est un peu. En fait, il était un peu distingué, je crois que il faut se dire, du coup. Et il voulait choquer la galerie. Bah, justement, non, il voulait pas. Il s'est coincé le dos. Non. Non, mais ça aurait pu aussi. Parce que j'ai l'image en fait du truc. Peut-être. Ça va, c'est bon, je sais. Mais non, mais j'ai l'image du move et c'est vrai qu'en fait, quand tu imagines tout ce que vous dites, tu vois, il aurait pu bloquer le dos quoi. Tu vois. On dirait vraiment qu'il a perdu sa sangle par contre, en mode. Ouais. Bah, il avait pas de sangle. Faut montrer au chat. Ouais, c'est dur. Bon, vous taperez avec chaque vérité. C'est chaud. Parce que là. On va très bien. Alors pourquoi alors ? C'est tout con hein. Est-ce que, attends, c'est un truc genre de son corps physique quoi, genre. Ouais. Est-ce que c'est lié non, à la douleur ? C'est pas. C'est pas une douleur. C'est plus un truc qui était sur lui. Oh, il avait une araignée sur lui. Ouais, non. Un bail comme ça, non ? Et un insecte, non ? Non, mais je vais le dire. Des ratatouilles sous sa toque. C'est quoi, c'est un animal du coup ? Non, c'est pas un animal. En gros, il essayait de cacher les plis de son costume froissé. Oh là là ! Oh là là ! Et en fait, il a foutu sa guitare devant sa chemise en fait. C'est tout simple. Ok, ok. Il se la racle un peu c'est quand même. Ouais, il se prend la tête en fait. Bah, c'est pour ça qu'il est un peu. Il se prend beaucoup la tête. Chuck Berry. Il était, je crois. Ceci dit, ça a donné lieu à un des moves les plus stylés de tous les temps. Ouais, qui a été repris par Angus Young et Danny Briand. C'est trop bien que Michael Jackson aussi pour le 45, ce soit une anecdote comme ça. Il avait vu un tic-tac. j'ai pas d'autres. Son lacet d'effet. Il avait Nathalie, il pouvait pas plier les jambes. Ok, tu overreact. Est-ce que vous arrivez des trucs un peu en concert à base de lacets d'effet ou de... Ouais, que vous avez essayé de cacher en étant classe. Je sais pas si le classe c'est ce qui définit votre concert aussi. C'est pas tellement l'esprit. Non, en termes de trucs. Non, mais voyons, qui c'est qui lâche son. Mais encore 20 beats. Oh là là, mais un max de beats. Pété de thunes, grâce à Gala. Un max incroyable. Ça y est. Merci beaucoup. Il sort plus boire des coups avec nous, du coup il a cher des trucs. Allez, exposed mec. Le mec il a fait un don, il se prend des reproches. Ouais, grave. Ah, bisous gros. Non mais vous, alors ouais, les Deep Marys, vous avez jamais eu des trucs alors fous, en fait, il faut savoir déjà un truc, pour remettre un peu dans le contexte, c'est que souvent nos concerts, c'est pas tout... à te rapprocher. Oui, bien sûr. C'est toujours un peu folklore. Et du coup, on a ce truc de... très souvent, il nous arrive des galères sur scène. Ouais. Alors là, comme ça, tu vois, en plus, comme on n'est arrivé pas préparé du tout, c'est compliqué, mais on va y réfléchir un peu. Promis, on va vous sortir des trucs. Mais on a toujours ce truc où on a des merdes, mais on essaye de les maquiller, tu vois, en faisant une pirouette, justement, en se rattrapant. Ouais, le genre de Chuck Berry, finalement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est peut-être que ça rend moins classe. Ouais, mais donne des exemples. Il y a l'anecdote où j'avais le costume froissé. Ouais. Ah oui, et puis t'as commencé à faire ce move un peu stylé. Incroyable, qui a marqué personne. Ouais. Qui est ton move signature. Faut arrêter. Ah, mais incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Victime de notre succès. Le chat est on fire, incroyable. C'est que Maxime qui donne. Il donne sans compter. Il a bien aimé les rôles. Tu sais quoi? On enchaîne un peu, on continue. Et puis si jamais on a un truc, ouais, promis, on vous balance. Ok, c'est pas difficile. Toi, Clémence, t'as eu des trucs un peu? Non, je suis toujours jamais de problème de cordes pétées en plein. Si, bah si, mais ça c'est. De violon, c'est... ah ouais. Oui, oui. Est-ce que ça fait vraiment ti? Oui, ça. Vraiment, c'est vraiment mieux voir. Mais genre mais en orchestre ou en concert plus. Non. Parce non. que toi, ton groupe Telem, c'est du. Alors attends, comment vous définissez? Folk metal. Folk metal, donc c'est un peu. Là, il y a jamais de problème. Ça c'est quoi ce geste un peu hard? Ça envoie du lourd. Il y a du son. Non, mais par rapport à un orchestre classique, on imagine le violon dans un orchestre classique. Là, c'est pas la même chose. C'est sûr, sur du folk metal. Mais du coup, plutôt en orchestre, c'est arrivé. En orchestre, c'est arrivé, oui. Ah ouais. Mais dans ce cas-là, tu sors discrètement et tu vas changer. Est-ce que tu fais... t'as les chaises qui bougent. Ça démystifie le truc, je trouve, de ouf. J'ai l'impression que t'es au milieu. Oh, ils sont 30, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui part. En vrai, ça se trouve, les gens qui regardent, ils regardent que ça, du coup. Parce que ça bouge, t'es là. Ça bousille tout le concert. Aïe. Mais c'est sûr, de toute façon, dans des concerts qui durent 4 heures d'orchestre et tout, forcément... J'étais allé voir mon prof de violon qui joue à l'auditorium, et ça lui est arrivé aussi en plein concert. Il a loupé tout un mouvement, le pauvre, pour ça. Ça lui a pété au tout début, et il est allé changer et pendant 30 minutes. J'espère que tu t'es bien foutu de sa gueule, quand même, après. Non. Alors, ça donne des cours, et puis... Peut-être moi qui devrais te donner des cours en fait. Si, j'en ai peut-être une aussi, mais alors c'était pas moi directement, c'était à l'époque dans un groupe où j'étais juste chanteur. Et donc mon guitariste joue, il avait un son chelou sur sa guitare, ça commençait à saccader le son et tout, donc on se dit bon, mais c'est le branchement qui est foutu. Un mec gentiment lui prête sa guitare, et ce beau gosse, il a arraché tout le. En fait, il a marché sur son jack, ça a arraché la prise et tout. Ah, avec la prise jack. Et donc, je peux vous dire que le troisième qui a prêté sa guitare, il était moins chaud, moins serein. Mais par contre, la gênance dans les yeux, en effet, était palpable. Il y avait un concert aussi, t'avais une batterie qui avait failli tomber. Au Lion's Hall, je sais pas si tu te rappelles, vous avez dû arrêter le concert genre 2 secondes. Ah oui, on fait un morceau et notre batteur s'arrête d'un coup. Il avait un micro, il dit Christophe, et les gars, si je fais une mesure, la batterie se pète la gueule sur tout le monde. Voilà. Ça m'est arrivé aussi, mais je m'en rappelle pas, on me l'a raconté. Mais alors en fait, mais ça, bon, en soi, c'est. Comment dire ? C'est pas une anecdote où on se rattrape avec une pirouette, étant donné que vraiment on s'est planté lamentablement. Du coup, je sais pas si ça a sa place ici. Mais c'est les meilleurs. Hein. Ouais, bon. Je vous la fais courte. Il y a pas de build-up, il y a pas de chute. Vraiment, je vous expose juste les faits comme on me les a racontés le lendemain, parce qu'en fait, je m'en rappelle pas. Bon, on avait, c'était un concert qu'on avait en Ardèche, et donc fallait qu'on y aille depuis Lyon. Et je finissais le taf à 20h, et du coup il fallait qu'on parte, tu vois, de Lyon à 20h, qu'on roule sa mère et qu'on arrive là-bas pile poil avant de jouer quoi. Donc on arrive, il devait être ouais, voilà, 23h à peu près. Et on arrive, et là, donc c'était dans un truc, c'était dans une fête un peu privée, tu vois. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de normes. C'était tout était à la zone. Pas de M&M's demandé. Non, voilà, pas de M&M's, pas de. Sauf qu'en fait, du coup, pas de M&M's, mais l'accueil chaleureux, mais trop chaleureux. On arrive vraiment. Ah, oh, mais c'est. Putain, on est trop content de vous voir et tout. Ah, prends un shot avec moi. Oh, viens, prends un verre et tout. Bah, il était 23h. Voilà, voilà. Il était 23h. Il y avait déjà un ou deux groupes qui avaient joué. On était déjà. Voilà. Et ils étaient déjà bien dans l'ambiance, quoi. Donc, bon, on savait qu'on jouait à peu près 20-30 minutes après être arrivé. Bon, le temps de s'installer, vraiment. On a bu des coups avec à peu près tous les gens qui étaient présents. Et donc ça fait beaucoup de coups à boire, quoi. Ouais. Voilà, on s'est fait traquenarder et donc bah une fois sur scène vraiment trou noir. Je me oh voilà. Alors, t'étais déjà assis sur la batterie. Ouais, alors on avait tout installé tout ça. Ouais. Mais donc bah voilà, globalement aussi pareil hein, la batterie j'ai trébuché dessus 2-3 fois, il y avait une bière sur le tom bass, tu vois, machin. Bon, il s'est avéré que j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu possédé, tu vois. Ouais. Et bon, bah, par exemple, il y a eu des actions où on a refait 3 fois le même morceau, parce que je l'annonçais, tu vois, il pouvait pas lutter. Ouais. C'est là, le morceau suivant s'appelle machin, mais on l'a déjà joué, rien à foutre. Voilà, donc bon, et puis bon, bah, ça s'est fini globalement. Les guitaristes en avaient marre et donc ils sont partis. Ils sont allés pisser ou je sais pas quoi, tu vois, et puis moi je continue à jouer. La chanteuse s'est cassé une dent sur le micro aussi, elle a fait un faux move, voilà, bref. C'était pas une anecdote où on s'est rattrapé avec une pirouette stylée, ouais, en tout cas, ouais, voilà, c'est un concert. Faut avoir un dentiste dans le groupe, quoi, déjà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, on m'a raconté, hein. Voilà, moi je. Voilà. Mais. Pas de vidéo. Peut-être en cherchant. Peut-être l'office. Ça doit pas être bien glorieux, mais je crois que les gens étaient tellement rabattes à la limite, ils s'en foutaient. Mais même le public, ouais, ils étaient en mode allez, encore une troisième fois, la même chanson. C'est parti. Ils étaient habillés en licorne en train de faire la chenille, tu vois, devant. Ouais, c'était. Un rêve bizarre. Quelqu'un qui passe devant, ça devait être un rêve bizarre pour lui. Hélène, si tu m'entends, je te fais des bisous. Désolé. Apparemment, vous avez vendu un disque ce soir-là. Ah, peut-être bien. Bah déjà, c'est bien. Mais oui, il est là. Le crack. Yes. En même temps, quand tu pètes des dents sur scène, c'est que le groupe se donne, tu vois, donc t'as envie de lui rendre un peu aussi. Ouais, c'est un petit peu métal de se péter. Ah oui, il y a Tanguy qui dit il a eu le prix de la personne la plus scandaleuse de la soirée. Alors c'est vrai, effectivement. Ah oui, il y avait ça. L'année d'après, quand je suis retourné, l'édition de l'année d'après, ouais. En gros, j'ai été élu la personne la plus scandaleuse et donc ils m'ont remis, tu sais, une espèce de. Tu sais, les ceintures de catch, là, de MMA, tu vois, ouais, voilà. Et bah, ils m'ont remis la ceinture de la personne la plus scandaleuse de l'année d'avant, tu vois. C'est formidable, en vrai. C'est pour ça qu'ils disent le premier concert de MMA d'ailleurs. What the fuck? J'ai les dents cassées et tout. What the fuck, bro? Ok, ben voilà. Mais voilà. En vrai, style et légende. Donc, vraiment, une anecdote qui n'a rien à voir avec la thématique, mais. On est là pour. Mais ça me fait plaisir, voilà. C'est une anecdote de concert. Un petit bonbon que je vous propose. Moi, je me rappelle d'une anecdote. D'un concert où. Un petit M&M, c'est mes marrons. Où un groupe avant nous qui jouait, le piano s'effondre sur le plein morceau. Aïe. Bah voilà. Ah mais genre le clavier sur les tréteaux. Le synthé, ouais, le synthé. Ah oui, parce que je vois le piano avec lui qui s'éclate et tout par terre. Synthé, le mec il joue. Un truc de western, tu sais. Je crois que le mec il est resté comme ça, on va faire la 4. Voilà. Hein. C'est terminé. Pas de piano. Il a fini tout à la voix, après c'était hyper gênant. Ouais, il chantait, enfin bref. Voilà, moi c'est après le seul truc que je me souviens. Moi, jamais eu vraiment de gros soucis en concert. C'est vrai que le truc de y a pas de piano, en vrai, j'ai trop le souvenir de. On avait fait un. Quand on était en école de ciné avec Clément et Théo, on avait dû faire des directs télé. Ouais. Tu te souviens de ça, du coup? Oui, bien sûr. Et dernière ligne droite, parce que c'était le dernier moment du dernier direct. Ouais. Et on avait pas trop mal réussi jusque-là, tu vois. Et c'était un concert de Pasquale Dinca, qui est un acteur. Ah oui. Et il se trouve que le concert a commencé, il devait y avoir chanteur, piano, contrebasse. Ouais. Et pas de piano, et je me souviens du pianiste qui continue à jouer, tu sais, pour l'image, tu sais, qui faisait. Alors qu'il n'y avait aucun son et tout, et nous, on s'affairait tout autour du plateau, une belle. Et le prof qui criait, pas de piano. Ouais, il n'y a pas de piano. Ouais. Traumatisme. Mais en vrai, maintenant, j'aime bien. Bah, en plus, maintenant que t'as une carrière d'ingé son derrière toi et tout, tu peux en parler. C'est derrière moi. C'est l'histoire ancienne. C'est derrière moi. J'ai aucun regret. Et des anecdotes en concert que stars, que vous êtes allé voir, ouais, vous avez déjà eu des trucs un peu chelous. Parce que moi j'avais un truc pour commencer, mais du coup on en avait parlé déjà avec Clémence, parce que t'étais allé au même concert que moi, et c'était au concert de Ghost. Je sais pas si vous voyez le groupe Ghost. Mmh. Si, les prêtres métalleux là. Qu'on très classe parce qu'ils ont des masques. Et le guitariste soliste qui était devant nous. Enfin, moi j'étais au même niveau. Mais c'est mon avis. Je me mets toute la commu. Alors, on va se faire des ennemis, ouais. Putain. Alors attends, on fait une pause. Non, mais en gros, le guitariste soliste un peu stylé et tout, en fait, ils ont des masques de ghoul, ça s'appelle. Oui. Donc en vrai, on voit pas leur visage, il y a juste le nez et on voit pas leur bouche, je crois. Non, mais bah. On voit, il y a un truc pour le nez. Ah non, il y a peut-être pas le nez. Non, ils ont une cagoule. En fait, ils ont tout le truc, ouais. En fait, non, mais parce que je me souviens plus d'où ça. Et à un moment, il réagit bizarrement et un truc coule de son masque, un peu blanchâtre. Alors, je me suis dit, moi, bon, dans ma tête, c'est il a éternué sur son masque et ça coule en plein concert. Et on voyait qu'il était pas bien, genre, et en même temps il jouait un solo et il était là, oh là! Pas qu'il perde la face, et voilà! Et tout le groupe est ultra stylé et tout, et vraiment ça coule du masque et il sait qu'on se rend compte d'un truc. Et je sais pas si c'était la sueur ou si c'était vraiment de la morve. Il avait pas l'air gêné ou vexé. Si, il était ça ultra va. Gêné. Et je crois qu'à un moment, entre deux morceaux, il est parti sûrement enlever son masque, l'essuyer. Ah, ils ont le luxe de pouvoir faire ça aussi, tu vois. Bah, c'est pas sur toutes les scènes que tu peux te permettre. Toi, tu t'es payé le luxe de t'écouler sur ta batterie quand même. Oui, c'est vrai. T'as même eu un prix pour ça. Scène de la Anthony Garnier où tu sûrement éternues à travers ton masque. Ouais. Là, t'es mal, quoi. Enfin, vraiment. En plus, déjà que le mec, il a chaud, il a sa sueur et sa morve. Mais c'est ça. C'était trop mal à la tête. Mais les pauvres gars, quoi. Enfin, c'est horrible. Comprends. Ça doit être horrible de faire ça. J'en ai une qui me vient aussi, c'était. J'étais allé voir un concert au Lion Soul à l'époque. C'était avant qu'il ferme. C'est où le C'est à Vez. Et en fait, le quand ça se passe bien et tout, en bonne ambiance et tout ça, c'était l'été. Et le chanteur, à un moment, il veut chauffer un peu le public encore plus, il monte sur la batterie. Sauf qu'il s'est éclaté comme une merde par terre. En fait, ce qui était épique, c'était surtout qu'en fait, il est tombé donc, avec le micro dans les mains. Et c'est au moment où il tombe, le micro qui tape. Donc ça a doublé l'effet sonore, on va dire. Je me souviens pas, faudrait que tu me dises après. On aime drop pas, mais ouais, non, on aime drop pas. Macron. Même ça, ça fait longtemps et tout. Même les gars, ils doivent en rigoler, non? Je sais pas, on a donné des consignes. C'est dans le doute, t'as raison. Non, c'est non, non, non, pas. Donc attendez, parce que en fait, là, par rapport au fil conducteur de l'émission, est-ce que c'est genre le moment où on balance tous les un peu les anecdotes qui nous ont marqué et tout, ou là c'était juste les trucs un peu loose? Là, c'est un peu chaud, là. C'est un peu freestyle. Ah, okay. Hein, et c'est hors série. Hein. T'as surestimé le conducteur de cette émission. Est-ce que tu vois un conducteur posé sur cette table déjà? Cette table est blanche, ouais. Il y a des petits papiers, c'est tout. C'est pour après. Non, parce qu'après, tu sais, t'as toutes les histoires de la pédale de batterie qui pète. Dans vos concerts à vous? Ah ouais, oui, on a ça, et Timberiz, on a. La corde qui pète aussi, et vu que j'étais un peu éméché. Ah. Incapable de la remettre, j'ai dû me faire aider par quelqu'un du public. T'as mis une corde de basse. Ou les concerts, on arrive et en fait, il s'avère que j'ai pas pris mes cymbales. Oui. Ou alors, ou pire. Ah oui, attends. Celle-là, ou pire que. Alors. Celle-là, il y a une intro un peu dedans. Pas en fait. Ouais. Chanson. Hein? En ton propre groupe. En fait, en gros, on nous a demandé de faire un concert, donc c'était genre à peu près du lac d'Annecy. En fait, c'était une espèce de repérage pour faire le marché de Noël d'Annecy, justement. Ah, okay. Et alors, tu sais, nous on se dit, groupe de punk rock et tout, ça va. Enfin, le marché de Noël d'Annecy, on va se faire recal direct. Voilà, déjà le contexte, mesdames et messieurs. Il y a un Noël bourré qui va vous lancer le bouton. Bah, alors, justement. Ah. Donc, on fait le concert, donc tout se passe bien et tout, on a le matos, tout va bien, on a les micros et tout. Et le concert commence, tout se passe bien. Et là, il y a un vieux mec beurré, genre un punk à chien total, et qui commence. Mais c'est genre un peu gênant. Genre, tout le monde était un peu autour, et lui commence à se jeter par terre devant. Il était pété, quoi. Et il sentait pas ouf. Et du coup, et du coup, en plus, après, il commence à nous prendre le micro, machin. Et c'est nous, on va pas se taire, que ça fout de la mauvaise ambiance, donc on le laisse faire un peu et tout. Bon, voilà. C'était le merde. C'était un peu le merdier, quoi, tu vois. Et genre le. Pour moi, c'était le S. Hein. Pour moi, c'était clairement. Hein, mais il mettait l'ambiance et tout. Hein. Attends. Ouais, il gênait un peu les autres quand même. Mais et du coup, dans le public, j'avais justement. On l'avait appelé comment déjà? Patrice de la Conta. Patrice de la Conta. En un mot. En un mot. Ouais. C'est un italien, Patrice de la Conta. De la Conta. Et du coup, il y avait justement une femme dans le public qui était justement là pour faire le repérage, un peu le jury de est-ce qu'on les prend ou pas. Et malgré tout ce. Parce qu'en plus, après, il s'est pété la gueule par terre. Genre, il s'est éclaté trop, il s'est fait trop mal. Et genre, il continue après, trop cool et tout. Et du coup, la meuf a vu ça et elle s'est dit ok, je les prends. Mais avec Patrice de la Conta. Alors le paquet gros fan aussi. Ouais, c'est ça. Heureusement non, mais du coup dommage. Et du coup, on a été pris. Et alors après, on a été à la hauteur, je pense, des attentes. Spoiler, c'est faux. Ouais, clairement pas. Et donc du coup, on a ce concert à Annecy. Tonio, notre guitariste qui n'est pas là ce soir, lui dit, bah écoutez les gars, je serai déjà à Annecy pour des raisons personnelles. Démerdez-vous pour venir. Donc moi, vu qu'on a... On est assez autonome avec Tonio, Théo, qu'on n'a pas le permis de conduire. C'est vrai. Moi non plus. J'ai découvert. Ah, bah écoutez. Quatre. Allez, la lutte. Clémence aussi. Presque. Presque. Quelqu'un a le permis de conduire ici? Oui, moi. Clément. Ah, je suis le seul. Ah, bah, je vous ramène après, les gars. T'es le boss. Bah, allez. C'est clair. Le papa. Et, ouais. Et du coup, ouais, on trouve un pote. Qui pas de l'internet. Pardon. On trouve un pote d'ailleurs, Alex, respect, merci encore pour ce coup, qui nous emmène avec Théo pour aller justement charger le matos et l'emmener jusqu'à Annecy. Donc Tonio est en charge des guitares et puis nous on est en charge de la batterie. Et donc on arrive déjà sur, on arrive à Annecy et tout, on trouve le lieu, on rencontre le gérant et donc je commence à voir les câblages, je lui fais mais, en fait, parce que je vois deux câbles XLR, je lui dis bah en fait on est trois chanteurs donc il nous faut trois câbles pour Syfe. Bah non mais ça vous le branchez sur votre console. Quelle console? Attendez, c'est quoi ce soir? On va pas pouvoir chanter? J'ai une Switch dans la voiture. Moi j'ai pas de console de son pour brancher vos micros, j'ai rien. Et on allait jouer dans quoi, trois quarts d'heure, une heure? Ouais, enfin le temps de s'installer quoi. Ouais, c'est ça quoi, vraiment le temps de s'installer. Donc là on se dit, c'est chaud, c'est peu. C'est mal parti déjà l'histoire de Annecy. Complètement, ouais. Et donc allez, je me dis, allez, je fais le show, les gars, occupez-vous de décharger le matos, moi je débarroule dans Annecy, je trouve un bien truc quoi. Et par miracle, je trouve un magasin de musique. C'est l'anecdote de l'adversité quand même. C'est ça, de l'adversité, exactement. C'est pas prêt pour la suite. C'est ça. Et le mec, déjà, je trouve une console, je dis parfait et tout, nickel, combien ça coûte et tout. Il me fait, c'est 214 euros. Je fais, bah, je sors ma carte, fais, ah non, je prends pas la carte. Oh. Ah. Mais le gars. Et là, je commence à il compter. Va faire des affaires, en fait. Je commence à compter ma monnaie, 213,90 €. Sérieux? T'as beaucoup de monnaie déjà. Ouais, des grands de ouf. Okay, de ouf. Pour une date où on était payé combien normalement? 100 balles, je crois. Est-ce qu'on a été payé? Non. Ok, on peut. Et du coup, le mec trop sympa, il fait allez, c'est bon. Enfin, je lui expliquais le problème, il fait allez, vas-y, c'est bon, pas de soucis, je te le fais et tout. Pour 10 le seuil de la carte, c'est 200, c'est 300. Bah, non, c'est qu'il voulait juste pas de carte, il avait pas la machine en fait. Ah, ok. Et donc, tout fois la monnaie. Donc là, moi, je suis trop fier de moi, tu vois. Je me dis, ça y est, les gars, je vais les épater, tu vois. Genre, j'ai trouvé la sono qui va nous permettre de chanter correctement pendant ce concert et tout. J'arrive. Les gars, j'ai la sono. Oh, trop fort, mec, trop lourd. Bon, là, j'étais au top, On peut se brancher, les gars. On peut se brancher. Je fais, les gars, vous avez amené ma basse. Quoi? Et là, Tony, il me fait, mais Victor, ta basse, elle était chez toi. Ah. Donc là, je suis à Annecy. Le concert commence dans, c'était quoi, dans les 5 minutes? Non, ouais. Sans basse. C'était compliqué. Sachant qu'on avait acheté la sono. Sachant que je venais de claquer 214. T'allais pas acheter une basse après, quoi. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, toujours face à l'adversité, on appelle l'ancienne bassiste du groupe, qui par miracle était dans le coin à Annecy, qui par miracle était chez un ami bassiste à elle, et qui par miracle en un quart d'heure est débarqué avec une basse au milieu de la foule, qui disait mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ils commencent pas les mecs. Et bah exactement. Et après, on a fait un concert, vu qu'on était dans des pires conditions, on a fait un concert minable. On devait jouer quoi, une heure? On a joué 35 minutes. Donc, sachant qu'il faut vous figurer le truc, c'est vraiment un marché de Noël avec des petits stands, avec tu vois, des familles avec leurs petits, les enfants. Oui. Des poussettes. Ouais. Voilà, tu vois, un peu ambiance. Il neigeait un peu. Et votre vois, style, genre. Votre style, c'est quoi? Voilà. Exact. Voilà. Globalement. Voilà comment une date de merde a quand même réussi à avoir lieu, et ça c'est quand même grâce à Fanny. Vous êtes quand même battu hein, pour ça. On peut applaudir Fanny. Bravo Fanny. Bravo. Merci Fanny. Merci Fanny. T'as sauvé le game là. T'es juste la boss. N'hésite pas à sub. Yes. Une anecdote qui donne envie de jouer au loto, nous dit Podims dans le chat. Non, j'ai essayé du coup et. Non. Et t'as reperdu 214 balles. C'est ça. Ouais. Toi Clémence, t'as eu des. Bah, dans un truc hors contexte, avec Landsway, ça s'est fait aussi. Pareil, un peu... Parce que du coup, folk metal, les gens, ils entendent folk, donc ils sont contents. Il y a du violon, ils sont contents. Et ils savent pas que mon chanteur, il crie. Ouais. Et du coup, on a dû aller jouer en Suisse, dans un petit marché. C'était en plus dans une ambiance Seigneur des Anneaux. Il y avait des maisons de hobbits, tout ça. C'était très mignon. Trop bien. Il y avait des petits gens qui jouaient de la flûte. C'était tout chou. Et après, nous, on débarque. Et on devait jouer notre... Ils étaient vraiment pas prêts, en fait. Ils n'avaient pas écouté ce qu'on jouait. Ah ouais, et... vous avez pris comme non, ça. Non, non, ils nous avaient pris parce qu'il y avait du violon, je pense. C'est bien, l'endroit, ouais, c'est mignon comme endroit. Voilà. Et... on a égorgé une chauve-souris aussi. Et non, c'était. Ils ont eu du mal au début. Hein. Et attends, juste pour situer, c'est quoi? C'est donc violon, batterie, guitare électrique, etc. Oui. D'accord, ok. Et chanteur. Ça, chanteur, screamer. Chanteur. D'accord. Il voit. Ouais, t'es foutu là. C'est horrible de dénigrer ses potes. Mais non, ça va, on rigole. Ah, il chante. Je crois qu'il rigole oui, pas. Oui, il chante. Chante très bien. Et du coup, la pilule est mal passée? Non, au final, ça a été, mais il a fallu un petit temps quand même, hein, ouais, d'adaptation. Parce qu'en plus, on a joué une heure et demie. Ils étaient vraiment ils étaient servis. Ah ouais. Bah merci à Maxi Eli, hein, d'ailleurs, qui a profité pour s'abonner. Oh boy. On lui a dit de s'abonner. Quel frère, quel frère. Ce soir, c'est une pluie de sub. C'est une pluie de Max. Une pluie d'un. Ah merde, putain, j'ai une aide droppée. Désolé, Max, j'ai une aide droppée. On peut biper après. Ouais, nickel. Bah merci en tout cas. Moi je m'étais évanoui devant 30 Seconds to Mars. Avec la voiture qui tombe en panne. Oui, ah oui, ouais, Tanguy qui nous dit un concert de Halloween avec la voiture qui tombe en panne au moment de partir. Oui. C'est quoi cette histoire du coup? C'est on avait un autre concert donc pour Halloween à Crémieux où normalement on devait partir avec la voiture de Jérémy qui est une petite camionnette où on peut emporter tout le matériel normalement. Qui tombe en panne une heure avant de partir. Ah, du coup, on a appelé à l'aide mes parents, ma mère qui a une petite Twingo, et marrant, on a dû mettre tout le matériel dedans, et ouais, voilà. J'avais oublié. Va caler une batterie dans une Twingo quand même. Hein. Ouais. Non, la batterie heureusement était. Ouf. Même des ordi, sur place. Et les instruments. Mais il y avait tous les instruments et. Ouais. Voilà, dans la Twingo. Toi, Jules, t'as eu des anecdotes de concert? Eh ben, je disais, je me suis évanoui pendant 30 Seconds to Mars, qui était mon groupe préféré à l'époque. Parce que Jared Leto, il est trop beau! D'ailleurs, Jared Leto, qui ressemble quand même de plus en plus à un genre de Jésus. Ouais. On est d'accord? Depuis. Il a un délire comme ça, je pense. On peut en débriefer deux secondes, et puis après. Ça fait peur quand même, on est d'accord? C'est hardcore, ouais. Moi, je sais pas, il veut créer sa sexe, je pense, à un moment. Ça va arriver. Du coup, j'ai un peu trop tendance à le juger vite. Tu vois, genre, il avait vendu des masques genre 30 Seconds to Mars ou je sais pas quoi pendant le Covid. Ouais. J'étais en mode putain, le mec il se fait son merchandising dessus et en fait tout va à des associations après. Ouais. Vraiment une merde. Du coup, tu vas dire, attends, il en a acheté. Finalement, ça va. Ouais. D'ailleurs, il l'a dit que c'était hyper déçu de ta déclaration. Et du coup, il t'a demandé de te flageller. Et c'est Mary. Là que ça part en couille. Et c'est là où je me suis évanoui. Ah ouais. Non, ouais, donc. Non, ouais, mon groupe préféré à ce moment-là. Merde. Et en fait, j'avais fait une nuit blanche avant et tout, j'avais pas mangé parce que pompé d'op. Je vais au concert. C'est peut-être là aussi le problème. Parce que... Après, tu sais, le lendemain de soirée un peu sale où t'es là, voilà. Tu manges pas beaucoup, machin, et je vais au concert le soir et avec mon demi-frère qui n'est pas là ce soir. Et je me souviens juste que pendant Night of the Hunter, je vois plus rien. Et je fais oula. C'est la nuit. C'était la première fois que je oula. Première fois que je m'évanouissais, mais j'étais en mode ok, je sais que César est là. Je l'attrape et je lui dis César, je vois rien. Et il m'a du coup porté jusqu'à la sortie. Et tout ce que je me souviens, c'est que je me disais faut que j'appuie sur mes pieds pour l'aider à me faire avancer, tu vois. Et puis après, j'ai pu finir le concert. Ouais, chiant en vrai. Ah, putain, surtout 30 Seconds to Mars à ce moment-là, tu vois. C'était pendant la tournée This Is War, tu vois. Donc c'était le meilleur moment de 30 Seconds to Mars pour moi. Probablement. Un peu deg, ouais. Un peu deg. Et avant, j'ai vu Superbus, ça c'était super bien passé par contre. Bizarrement, moi ému. Quand tu parles de concert Superbus, t'es obligé de dire des super quelque chose quand tu oui, c'était vraiment ça. C'était super bien. Super en avance. J'étais venu super en avance. La super première j'ai partie. J'ai passé la fille super vite. super soirée, quoi. Ah ouais, super soirée, vraiment. En parlant de Superbus, rien à voir, mais vous vous souvenez de vos premiers concerts que vous êtes allé voir, vraiment vrai concert? Moi, du coup, je viens de le dire, c'était Superbus. Toi, c'était Superbus. Bah, tu vois, j'aurais pu faire une transition là-dessus si j'avais su que c'était vraiment ton premier concert. Moi, je me souviens, c'était mon premier gros concert à la Altony Garnier, je pense que c'était Trio. Mais peut-être que j'avais vu Benabar avant. Mais le plus marquant, c'était Trio parce que j'étais mineur, j'étais allé avec mon frère et ça fumait. Et t'étais foncedé, ouais. Gros pets dans quoi le... Mais les gens autour de nous quoi fumaient de ouf des pets et sur scène, le groupe fumait des pets aussi. C'était vraiment la halte gardée, un énorme aquarium. Après Trio, c'est un peu les Cypress Hill de France. Quoi. Ouais, bah alors justement, Cypress Hill, je les ai vus à Rock en Seine en 2010 aussi. Et, un des pires concerts de ma vie parce que les gars te serrent à mort et ça était dans un nuage aussi de fumée de weed. Aussi, ah ouais, complètement. Par contre, le groupe trop bien, hein, mais les gens, wesh. Donc la même sensation. Ouais, voilà. J'étais pas prêt. T'étais aussi très jeune, ouais. Ouais, mais ça a un peu choqué. Puis au final, après, je me suis rendu compte que dans beaucoup de concerts à l'Alto Garnier, ça fumait des gros pets dans la fosse. Bah, le peuple de l'herbe, la rue qui est à nous, les petites nacelles. J'ai fait la totale. Je passe un très mauvais moment. Non mais ouais, mais trio, ouais, c'était sympa. Enfin, c'est, je suis pas super fan, mais un bon souvenir. Est-ce qu'ils ont fait « Hey Manu !» Oui. Ouais. Ah, voilà. Je m'y attendais. Yes. Évidemment, mais évidemment. Quel banger, putain. Je m'y attendais un peu. Ah, ça juge et ça dit que Victor, le boss, t'es très drôle, t'es tarpin drôle même, et les autres, on est bof. Bon, bah, ouais, bof. Complètement du jugement. Merci, maman. Bah, après, Jules, désolé pour toi. Il est adopté. C'était mon ami à la base, mais bon, je vais faire vraiment avec. Et vous, les gars, alors, vous avez peut-être un souvenir de votre premier concert, alors ça aurait pu être putain, quoi? Premier concert, c'est compliqué parce que... Rapproche-toi, excuse-moi. Ouais. Oui, premier concert, c'est compliqué parce que depuis que je suis tout petit, je vais voir des concerts de mon papa aussi, qui est intermittent du spectacle. D'accord. Voilà. Et du coup, actuellement, il est en train de crever la gueule ouverte. C'est son quotidien. Bisous, papa. C'est le moment d'en parler. Si force à toi. Allez, et on casse l'ambiance. Yes. Non, ouais, ouais, grave, n'hésitez pas. Bah, tous les dons iront à lui. Allez, nickel. On va lui fournir les bits. On fait comme ça. Non, ouais, bon, c'est compliqué pour lui comme pour tous les intermittents en ce moment. Mais ouais, en fait, il est donc contrebassiste. Et okay. En fait, il faisait beaucoup d'accompagnement de spectacles pour enfants quand j'étais petit. Et du coup, bah, il y avait plein de trucs, tu vois, de compteurs en musique, de machin et tout, qui faisaient salle comble pour des dates en scolaire ou en machin et tout. Et souvent, bah, il me traînait avec lui et tout. Et moi, ça me... Excuse-moi, enfin, Ouais, non, t'inquiète, c'est mon premier contact un peu avec un peu la musique et les concerts et tout ça. Mais bon, j'étais tout petit, donc je me rappelle pas bien. Ouais. Mais voilà, c'est plus ton premier ça, quoi, contact mais... concert, c'était ça. Ouais. Du coup, après premier gros concert, qui c'est qui? Wow. C'est encore c'est 30 beats. Mais oh là là, mais quel frérot celui-là, mais c'est fou ça. C'était où qui parle, c'est marrant. Ouais, j'avoue, je vais parler beaucoup et puis comme ça vous allez devenir riches les gars. Et ouais, voilà. Du coup, premier gros concert. Après, je sais pas, je vais y réfléchir. Je laisse la main. Pas de soucis. Il laisse le mic. Attends, on avait une petite anecdote juste. Ouais, vas-y. Alors, j'ai pas lu en entier. Attends, c'est Podims qui est dans le chat. Le chanteur de Thérapie Taxi au Transbo a fait une aide d'honneur et faisait passer une bouteille de Sky à la chaîne à tout le monde. Le même soir, une demande en mariage d'une nana à son mec sur un morceau assez sale avec les chanteurs déguisés en prêtres et en religieuses. Waouh! Wow. Eh ben, quelle vie! Sacrée histoire, Thérapie Taxi! Eh ben, quelle journée! ok. Beau gosse. Nous, on avait vu Blink 182 aussi, tous les deux, en scène. C'était lourd. 2010. Wow. Et Travis, le batteur dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Avait fait le truc, bon, du coup, maintenant plein de batteurs l'ont fait, mais le truc de se mettre sur une plateforme. Ah oui! Peut-être taper un solo avec la plateforme sur ton. En 360, franchement, c'était ouais. bien stylé. Moi, pour la première fois que je voyais Blink en plus, toi aussi. C'est clair, ouais, pareil. Oh, c'était un bon souvenir, ouais. C'est clair. Ouais. J'ai vu Scorpion, pareil, le batteur qui se levait comme ça. Ça s'est levé son. Bah, il a copié Blink. Oui, ouais, je pense. Non, je pense qu'on peut le dire. Complètement. Principe de faire de la musique. Et du coup, toi, ton premier souvenir, c'était Blink? Alors, moi, paradoxalement, non, c'était Muse. Et à une époque où je n'aimais pas le rock, en fait, j'accompagnais parce que j'étais petit. J'étais petit, en fait, j'avais genre 8-9 ans. T'étais pas né. Non, mais tu sais, quand tu dis, ouais, tu vas à un concert de Muse, mais tu étais dans la fosse et tout, non, j'étais assis à côté de mon papa. Oui, mais... qui lui non plus n'aimait pas Muse. Ah. Et puis après, tu sais, maintenant, avec le recul, je me dis, putain, je suis con, ouais. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas si vous n'aimiez pas Muse? C'était un cadeau. Alors, personne n'a la ref, mais Adrien. Oui, ok. C'était avec un ami de la famille, quoi, en gros, qui allait, et puis nous on l'avait accompagné, du coup, parce que la famille, t'as vu? Mais ouais, paradoxalement, premier concert, c'était un concert de rock stylé que je n'ai pas forcément apprécié parce que j'aimais pas ça. Enfin, t'as pas forcément un bon souvenir, du coup. Je pense plein de gens kifferaient More Muse. Heureusement, il me semble que je les ai revus après, c'était plus kiffant. Bah, tu as revu Mathieu Bellamy en Italie. Oui, je l'ai croisé en Italie. On était en vacances en famille, quoi. Ouais. Et genre, t'avais un truc, c'était genre, ouais, visiter le lac de Côme en bateau, quoi. Ouais. Et on fait la queue, il y avait personne parce qu'il faisait pas hyper beau. Et derrière moi, qui faisait la queue? Mathieu Bellamy. Et déjà, je vrillais parce qu'en fait, il était blond. Déjà, donc j'avais pas trop. Il avait un chapeau et une grosse moustache. C'est pas du tout lui. Le mec s'est fait passer pour lui. Je suis Mathieu Bellamy. Il a juste redonné ta running out. Il avait un fort accent du sud. Ah, bonjour, je suis Mathieu Bellamy, bien sûr. C'est pour ça que ça t'a étonné. On va faire la photo. Mais il est français. Mais du coup, ouais, on l'avait croisé là-bas. Il sortait avec une Italienne et du coup, il se baladait sur les pontons. C'est énorme. Ouais, et puis moi, j'étais avec mon gros t-shirt Blink 182, justement. Ouais. J'adore ce que tu fais. Bah, pas vraiment, du coup. Ouais, pas aujourd'hui, apparemment. Achète nos t-shirts. Mais ouais, voilà. Sympa. Voilà, mais sans pas trop d'expérience autre que ça. Ouais. La croisière s'amuse. Qui est le délicieux auteur de ce jeu de mots? Tugi. plus du tout. Ah, c'est Tanguy. Tanguy. C'est Tanguy, c'est le saint. The guy. Lui-même. Chez le saint. Il est en feu, il est en feu. Il est en feu. Vraiment en feu. Et toi, Clément, ça va ton... Après, on passera à toi, Théo. Excuse-moi, on te saute à chaque fois. Mais c'est prod. Je suis pas invité non, ce mais... soir. Lui, il surveille, il regarde l'argent. Oui, regarde. On lui passera celui-là, c'est un menu. Tout ce qui l'intéresse, c'est les beats, Théo, parce que c'est le prod. Par galanterie, on va mettre d'abord Clément. Vas-y, raconte ton premier concert, t'as un souvenir? C'est un souvenir, mais encore un concert très calme. C'était Tiefen. Calme, oui. Mais c'est trop bien. C'est quoi Tiefen? Oui. Uberflix. Uberflix Tiefen. Uberflix. Uberflix. Netflix. Un chanteur 43. Exactement. Lui. Continuez. Non mais voilà, c'est un chanteur français. Okay. C'est une passion qui se transmet de génération en génération. C'est mes parents qui écoutent ça et du coup bah nous on a suivi avec ma sœur et on est allé le voir en concert, on a suivi nos parents. Voilà, hein, c'était sympa. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Bah oui, très bon souvenir. Oui, je tiens à dire que moi, Benabar, qui était sûrement mon premier concert, j'y suis allé avec ma mamie. Hein, donc ah oui. Non, mais c'était quand même mon premier concert. Bah, bah, de... c'est super cool, en vrai. Ah, mais oui, mais après, on est allé le voir plusieurs fois. On est retourné le voir à Dole. De famille, ouais. Et retourné ensuite à Lyon. On l'a vu trois fois. Bah, complètement. D'ailleurs, j'ai trouvé, en fait, premier concert. C'est pas un artiste en particulier, ou alors je saurais pas citer les noms, mais on dit pas les blases, frère. Mais c'était pareil, quand j'étais gamin, j'allais en vacances, 2-3 étés de suite, je suis allé en vacances en Bretagne, ce qui du coup ne constitue pas un été de folie, hein, on est bien d'accord, le camping en Bretagne, voilà. Oui. Mais en revanche, j'étais en maxi turn-up dans des fesses noses, c'était trop bien, tu vois, avec ma crêpe au beurre et avec mon kouign-amann. Avec mon kouign-amann, franchement, bête de souvenir ça. Et probablement ton kawaii aussi. Très probablement mon kawaii, sûrement trop grand pour moi. Mais ça c'est des... Je m'en rappelle peu, mais le peu dont je me rappelle, trop cool. Mais tu sais ce que t'avais vu là-bas ou... Non, je me... Ah, tu fais un bar. T'étais trop jeune. Probablement Mano. Voilà, ouais, ce genre de bail. Il y a Trian. Ça, Trian et puis. Et Matmata. Matmata, bien sûr. L'emménagement. Non, mais en vrai, pas des trucs, tu vois, dans le circuit un peu mainstream. Vraiment des bails un peu de niche, tu vois. Non, mais on nous dit les vieilles charrues. Les vieilles charrues, super festival aussi. On entend les bières au loin, c'est marrant. N'hésitez pas à prendre des bières aussi dans le chat. C'est le refill. Les vieilles charrues à 4 ans et demi foncent des au chouchen. C'est la vie que j'ai décidé de mener, les gars. Un bon début. Ça, ouais, c'est ça qui a fait la suite, justement. Ah ouais, on connaît la suite, hein, putain de merde. Et, ouais. Et toi, alors, Théo? L'autre Théo, excuse-moi. Bonsoir. Et ouais, alors. On te passe le micro. Oui. Non, mais ça marche bien. Moi, mon premier concert, c'était Charlie Winston. Avec deux premières parties, il y avait Gaëtan Roussel, première partie. Ah ok, ouais. Et en première partie, il y avait Camélia Jordana. Bon. C'était naze. Ouais, voilà, j'allais dire. Et moi, je pense que c'était un des moments les plus gênants que j'ai vu en concert, autant pour le public que pour l'artiste. Ouais. Parce qu'à un moment, elle a fait comme... C'était au Théâtre Antique de Vienne, en fait. C'était quand j'étais au collège. Ok. Et te justifie pas, c'est pas grave. T'as le droit d'être c'est... là-bas. Non, mais c'est... Camélia Jordana, j'avais pas le choix, premier degré, c'est pas ouf en live. Ah non. Ouais, ok. Je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Ah non. Pas de ce que j'ai vu, non, en tout cas. J'apprécie pas spécialement l'artiste, tu vois, mais peut-être que c'est bien en concert, j'en sais rien, tu vois. Bah, moi, de ce que j'ai vu, il y a. Visiblement, tu nous confirmes que d'années. Ouais, ok. Peut-être qu'elle s'est améliorée avec le temps. Oui, c'est possible aussi. En tout cas, on lui souhaite. Putain, c'est bon ça. C'est dans le même groupe, on est pas des frérots, nous, c'est fou ça. Je suis à côté. Pas des frérots, et t'es allé pas ça. Allez. Oh la connexion! Oh là là! T'inquiète, on aura un délire le plus tard! Le manque de complicité! Allez, ça arrivera, votre délire, vous inquiétez pas, les gars! Je me souviens même pas qu'on ait grandi ensemble! Alors. Donc, en revanche, t'as chié dans sa piscine, mec! En gros, c'est. Non, c'est pas nous, c'est pas nous! Ah, c'est eux! Ah, pardon, j'ai compris! C'est notre anecdote, ouais, c'est mon frère, ça! C'est cool, c'est pas dans l'épisode, mais maintenant j'ai vraiment envie d'aller voir! Ah bah, faut aller l'écouter, il est énorme! Allez tous streamer ça fort, les gars! Ouais, sur Spotify, bien sûr, et sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr! C'est l'épisode, combien, Jules? Tu te souviens toujours des épisodes? C'est saison 1, épisode 5. Ok, avec les frères Herbie. Ah, il y a une histoire de caca dans la piscine, ratez pas ça. Avec les frères Meillery et les frères Robert. Et voilà. Et c'est pas le plus beau config qu'on puisse avoir. C'est des beaux tandems. Donc, Gaëtan Roussel, trop bien, non? Oui, alors mais attends, du coup, pour Camélia Jordana, le truc gênant, c'est qu'à un moment, elle a demandé. Je crois que c'était déjà très gênant, mais bon. Non, c'est que, pour expliquer un peu, à un moment, elle a demandé à tout le monde de se lever et de faire le twist. Ah ouais. Oula. Personne ne l'a fait, bah ouais. Évidemment. Do a flip. Il y en a qui ont fait, mais c'est quoi le twist? Ouais, déjà. C'est tout avec les qu'est-ce que tu voulais faire face à la main, le pied comme... Bah non. Du coup, ça devait être le bordel. Ça, c'est terrible, genre indépendamment de l'artiste et tout, mais les moments de solitude sur scène, c'est un truc aussi. En vrai, bichette pour elle, parce que ça demande de la confiance en soi, en plus, ça demande du courage. C'était Scheim qui était tombé. Qui s'est jeté dans un public non averti au crowdsurfing. Qui a voulu sauter. Oui, oui, effectivement. Tout le monde a esquivé. Énorme ça. Enfin, le moment de solitude, énorme. Il y avait aussi un chanteur, j'ai plus le groupe, je crois de mémoire c'est Stereogram, mais le chanteur monte, il y a des espèces de. Enfin, les trucs pour les lumières, ça fait un peu comme des échelles sur les côtés, et ça monte assez haut, genre à 2-3 mètres parfois. Ouais. Et il monte, il se jette, mais forcément quand tu sautes de 3 mètres, les gens ils se disent pas, ouais, je vais le rattraper tranquille. 3 personnes en fauteuil roulant. Bah écoute, non, mais du coup, il s'est éclaté. Lui, quoi. Lui, ouais. Non, il est pas mort, mais il est mort, mais il s'est relevé très difficilement. Oh, du coup, putain. Sa dignité en pas un vigile. Le vigile de l'esquive. Ouais, ouais, maman de solitude, j'ai connu, moi. Bon, forcément, on a tous connu, c'est un peu un petit concert. Taper des mains. Un truc un peu. Ah, vous en avez eu, vous, de... Ah de ouais, avec Deep. Non, ça va, tu parce qu'avec Deep, après. on est... Oh bah oui, t'as pas fait. On est juste trop bon, en fait. On fait une parenthèse. On est directement... On est les cracks. Donc on peut pas avoir de maman de solitude. Bien sûr. Avec Deep Mérite. En revanche, avec mon autre projet, il nous est arrivé... Le projet Whist, du coup. Ouais. Ok. Il nous est arrivé d'avoir un bail... Pardon. Un bail, par exemple, un bail sombre auquel je pense. Moi, c'était il y a très très longtemps. On avait 15-16 ans. On était au lycée ensemble, les Whist. Et on avait été conviés à... Mais plus en tant qu'animation, on va dire, que plutôt que groupe-concert. Et ça, on l'avait pas bien saisi, tu vois. À un truc. Donc, alors, on était donc à Rieux. Juliette, la chanteuse, habite à Villeurbanne. Mais globalement, on répétait sur Rieux, voilà, tout ça. Et donc, on est... à la lisière d'une petite bourgade qui s'appelle Néron, qui est juste à côté. On connaît. On les embrasse. On connaît. Et donc, il y avait cet événement, un coup, la raclette de Néron. Ça part bien l'anecdote, ah ouais. Ou pas? Ouais, déjà pas mal. Ça correspond à Néron. Ça en dire vraiment plus, finalement. C'est un peu tout énoncé. Et voilà, en fait, on nous avait proposé de faire un concert. Mais en acoustique, voilà, à la raclette de Néron, quoi. Okay. Donc, ils avaient loué la salle du village, tu vois, la salle des fêtes, et puis bah voilà, du coup, salle des fêtes d'ailleurs, ça marche bien. Ouais, c'était ça. Belle fête. Et ouais, belle défaite. Et ouais, c'était ah oui, ça défaite, je l'ai. Mais c'est pas de moi, je crois que je l'ai pompé quelque part, mais je sais plus où, je retrouve pas. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il que bah il y avait cette raclette, donc ils étaient tranquillement en train de préparer à grailler. Ouais. Puis nous, en fait, on jouait dans un coin, sauf que a priori, je pense les darons de l'événement, je pense qu'ils croyaient qu'on répétait. Je pense que c'était ça. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire donc vous jouez quand avec l'attention portée au concert qu'on peut imaginer. Faudra le faire mieux le jour J, hein. Donc voilà, on a fait notre truc un peu dans notre coin pour nous, quoi. Et on a eu, messieurs dames, une raclette gratos. Ah, voilà, il faut dire un peu quand la même. Récompense quand même. Voilà. C'est un peu les premières payes dans les groupes, oui. Ouais, voilà, bah, c'est ça. On a. Je t'avoue qu'on n'a pas célébré quand même à ce moment. Mais voilà. Ouais, enfin, je sais pas, moi c'est. C'est la post-credit d'Avengers, ouais. Ils sont tous avec la raclette. Ouais, c'est ça, le moment solitude un peu, voilà, c'est le truc comme ça qui me vient à l'esprit en premier lieu. Voilà, des années après, 10 ans après, c'est toujours. Mon cœur est toujours brisé. Quoi. Oui, ça devait pas être ton meilleur souvenir de concert non plus. Non, mais j'en ai des pires, hein, mais. Vrai, j'en ai des pires. Mais bon. Voilà, moment de solitude en tout cas. Ah, bon moment de solitude, ouais. C'est bon clair. Bon moment de solitude, c'est ouais. De ouf. Du coup, alors toi, Théo, on va revenir. On a fait la parenthèse. On va laisser cracher sur Camélia Jordana. C'est le fil rouge de la soirée. Quatrième vote. Le fil rouge, c'est Camélia Jordana. Ah, c'est quoi? C'est ses cheveux maintenant, c'est ça? Allez, c'est là. Non. J'ai fini. Je voulais continuer sur Gaëtan Roussel parce que c'était mieux que Charlie Winston. Ah, c'est dur pour l'autre, du coup. Ouais. Mais du coup, c'est dur pour. Ah non, c'est déjà bien, Charlie Wilson. Non, mais en vrai c'était cool. Mais Gaëtan Roussel, genre, il avait. Enfin, je sais pas, ça se sentait qu'il avait plus d'expérience et qu'il savait comment choper une. Oui, il était dans le. Bah, il a plus d'expérience. Gaëtan Roussel, Louis Attaque. Ah, c'était Louis Attaque, ouais. Et même si. T'emmène, ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'était cette voix-là, exactement. Mais en vrai. C'était Dave qui chantait avant. J'avais jamais écouté juste Gaëtan Roussel, je connaissais vite fait 2-3 chansons de Louis Attaque parce que genre j'essayais de mes darons et voilà. Est-ce qu'il faisait des chansons de Louis Attaque du coup en solo? Je crois qu'il en a fait une ou deux. Ouais. Mais enfin pendant le concert oui, mais sinon je crois pas. Il a dû faire celle-là pas. D'ailleurs là que je chantais. Forcément. Mais c'est génial. Jim Berry, c'est un spectacle comique entre chaque titre. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu, ouais, il y a un peu du stand-up entre chaque Mais c'est pour ça qu'on n'a pas de moment de solitude. tout le concert est... Non, voilà, voilà. Ah, mais non, oui, non, mais littéralement, en fait, c'est un, comment on pourrait dire, ouais, voilà, c'est un spectacle comique avec des interludes en chansons. Ok. C'est ça, hein. C'est un peu ça, ouais. Quand on nous entend parler comme ça, on dirait qu'on n'est pas trop drôle vite fait, tu vois, mais sur scène, on est marrant. Bah allez-y, faites une blague, après. Allez, vas-y, alors, fais une blague, mec. Un belge de... d'Égyptien. Ouais. Sur une pyramide, je sais pas où ça va. Donc, Amélia Jordana, elle était nulle, hein. Après, Théo. Oui. Non, mais on nous dit, ils ont 14 minutes de set, sinon, si vous faites pas des blagues autour... C'est très juste. Après, c'est très variable. Ça peut aller de 10 minutes à 30 minutes en fonction de si on joue vite ou pas. Voilà. Mm. Deep mais rire, non mais il y a des fameux. C'est un florilège de ouf. Ouais, qui a fait ça? C'est Canard Tichot. Bah, t'es juste le boss, mec. Incroyable. Où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus, Jules, t'as peut-être une. Moi, je voulais dire, ouais, j'ai déjà eu pas un moment de solitude, justement un coup de boost. Genre, j'étais hyper stressé pour un concert où j'allais être chanteur en plus. J'y étais. Et oui, merci. À Vernaison City. J'ai les vidéos d'ailleurs. Ah, alors tu vas bien les garder pour toi. Ça arrive fort sur YouTube, les gars. Allez, streamer ça. Tu vas bien fermer ta gueule. Et. Ok. Et moi, j'avais assez peu confiance en le fait d'être chanteur. Et je m'étais retrouvé un peu chanteur par. En gros, je squattais un groupe. Ils avaient besoin d'un chanteur. Et du coup, ils ont dit bah, à la fin de l'année, on fait un concert. On a besoin de quelqu'un, tu vois. Donc, j'ai fait. Et j'étais hyper, hyper stressé parce que déjà, se produire devant quelqu'un, devant toute une foule, c'est quelque chose. Et le faire en chantant en plus, tu vois, tu te dis, bon, faut que je chante bien, en plus, faut que je bouge un peu, machin. Et moi, déjà, je me tenais tout le temps de bras. Tu savais ta mère ? En plus, alors, ma mère. Il y avait ma mère. Et non, en fait, c'est juste que le groupe d'avant, la chanteuse chantait, mais faux, mais sa race. C'était vraiment. Je sais pas si vous voyez dans Star Wars 6. J'ai failli faire une blague sur Camélia Jordana, mais je me suis dit. Ah non. Je pense qu'elle a assez pris cher. Ouais, je pense que les hashtags ça y va, là, ce soir. Dans Camélia Alone. Elle avait vraiment une voix genre. Hyper faux, et en vrai, ça m'a grave boosté, et ça m'a mis bien pendant tout le concert, du coup. En déception aussi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu des déceptions vraiment, du coup, de groupe à part. À part Théo. J'avais pas d'attente pour Camille Jordana. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est une déception. Moi, j'avais le groupe Or Last Night, que je voulais voir depuis longtemps. Et le chanteur aussi, très très faux. Le reste du groupe, très très bien, mais j'étais sorti un peu déçu, je veux le dire. Ah oui, alors du coup, d'ailleurs, ce groupe-là, ils ont un répertoire à eux, ou est-ce qu'ils font que des covers sur scène? Non, non, ils ont un album, enfin, ils ont plusieurs albums, ouais, et en plus, ils font des covers. C'est quoi ce groupe, pardon? Or Last Night. Ça me dit rien, c'est quoi? Et c'est un groupe de. Metalcore, ouais, on va dire, okay. Qui font des reprises de pop, et à côté ils ont leur chanson à eux. Okay. Voilà. Très bien. Donc je les aime beaucoup en album, mais là ce concert-là, pas incroyable. Vous autres, le chat, qui voyez pas, en fait, on a une immense télé devant nous. Aussi grande que le nombre de. Mais on voit pas le bas du coup. Faut imaginer, ouais, Jules qui se coucherait comme ça, c'est à peu près la largeur du. Imaginez-moi comme ça. Non, mais c'est littéralement l'espace qui est entre vous deux. Sinon. Oui, voilà. Ah, oui, voilà, ouais. Ouais, là, c'est ça. T'es producteur. T'es architecte. C'est moi qui gère là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes de concerts à raconter que vous avez eues ou pas? Ah, comme ça, au débeauté. Il y en a une qui a. Ah, c'est gentil, merci. Il a le nez qui goule, oh là là. J'en ai une qui a. Ah, mais oui, t'as les blagues après, du coup. Le nez qui goule. Non, mais il y en a qui sont chauds quand même, hein, dans le chat. Putain. Arrêtez-le. On a ramené tous nos gogoles de potes. C'est pas grave. Continuez comme ça, les gars. Mais ça donne envie d'aller voir les Deep Marys en concert. Tu vois, si c'est la même ambiance, ça fait envie. C'est tout à fait le cas. Vas-y Théo, raconte. C'est quand j'étais à Budapest, justement. Ah, on reprend un on peu reprend le jeu du mail, je suis niqué, c'est ça? Oui. Épisode 7. 7 de la saison 1. Ouais. Et fil conducteur, là. Il y a quelque chose, là. On rassemble un truc. C'est un univers connecté. J'étais allé voir les... alors, au début, déjà, il y a deux choses qui sont incroyables. C'est qu'on était à Paris avec mon frère avant de partir, parce que je suis allé avec mon frère. Ok. Et pour l'instant... Et en gros, on a cherché des concerts à voir, enfin, s'il y en avait qui passaient pendant l'été, quoi. Et il y avait un groupe que je kiffe de ouf, que lui connaissait pas, qui s'appelle les Flogging Mollies. Ok, ça me dira. C'est du punk irlandais avec des violons et tout ça. Tu connais? Il y a du violon. Tu connais? Tu connais pas? Attends, franchement. Mais t'es violoniste, mais je connais une violoniste aussi. Tu la connais pas? Horrible. André Rieu. Afro personnage. Mais yes. J'ai cherché longtemps. André Rieu. C'est André Rieu. Ah, mais tu l'as bien sorti, quoi. Bien joué, mec. Je parle plus. Pardon, Théo, vas-y. Mais et oui, voilà. Et en gros, enfin, c'était mon frère. Il me fait comme yeah, flogging Molise. Et je fais arrêtez tout, on va là-bas. Ça suffit, calmez-vous. Donc à Paris, là. Là, on était à Paris, donc on a acheté les billets sur le web. Et c'est pour aller le voir à Budapest, du coup. Pour aller voir à Budapest. Okay. Oh là là, mec chaud quoi. Non mais on était déjà censé partir. Oui, on voilà. Regardait. Ah, okay. Regardait. Ah, okay. Oui, ils sont okay, pas allés à Budapest pour ça. Ouais. Il va juste pour. Ok, voilà. Ok, my bad. C'est bon, j'ai capté. Et en gros, il me fait comme par contre, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont russes, tout ça. Comme non, ils ont des gueules d'Irish. Ils font de la musique irlandaise. C'est sûr, ils sont pas russes, tu vois. Et du coup, je fais comme je regarde pas plus que ça et on part. Et une fois arrivé là-bas. En fait, l'installation du parc pour les concerts, elle était trop cool. Parce que c'était tout en long comme ça. Il y avait la scène qui était ici. T'avais un bout de régie au milieu. Montre un peu plus haut pour les gens. Ouais, c'est alors, c'était toute la scène, enfin tout le parc qui était là en long comme ça. Il y avait la scène de ce côté-là. Au milieu, il y avait un peu une régie. Ouais. Le long comme ça, il y avait des bars. Mais ça appartenait tout à la même personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros stand de bar, ouais. Il y avait plein de petits. Et tu, comme ça, tu fais pas la queue, t'attends pas 25 chansons qui passent que d'avoir c'est une putain de bière, tu vois. Ouais, c'est pas ces gens savent boire. Et voilà. Et ensuite, de ce côté-là, vers l'entrée, il y avait toute la bouffe, tout le truc comme ça. Okay. Et des tables pour manger. Donc on se pose là-bas, on prend un bout de pizza. Et puis là, la première partie commence. Et je fais, je connais ça, c'est bizarre. Mais. Et en fait, c'est un groupe de métal un peu rigolo qui s'appelle Ruskaya. Ruskaya. Qui c'est très russe. C'est trop bien. Du coup, ça fait russe. Ça fait russe, oui, c'est quoi? Et ouais, bah, je veux pas te chanter ça, mais. Non, mais c'est russe, du coup. Non, mais c'est russe. Oui, c'est russe. Ah oui, ouais. Voilà. Donc, ça commence. Et c'est juste parce qu'il avait vu Ruskaya, du coup, ils se sont dit, bah, tu vois, c'est bizarre, ils sont russes, tu sais. Et genre, jamais j'aurais pu. Enfin, j'aurais imaginé voir. Déjà, les Flogging Moïse en concert. Et en bah plus, oui. Eux en concert en première partie. Voilà. Donc, j'étais trop content. T'en avais pour ton argent. Voilà, donc j'ai fini ma pizza en 2-2. J'ai tout jeté, j'ai pris de la bière comme ça. Je fais, on y va. Et c'était trop bien. Et à la fin, c'est ça qui est trop cool aussi, c'est que le parc restait ouvert et les bars restaient ouverts ouais. Après les concerts. Et en gros, tu pouvais continuer à boire. Ils mettaient de la musique sur les enceintes et tu pouvais continuer à faire de la merde. Et voilà. Trop bien. Et j'ai fait un câlin au bassiste des Flogging Moïse. Du coup, je lui ai parlé, genre, c'est vrai, toi, tu fais quoi dans la vie et tout, ouais. Et tu lui as fait un câlin direct. Ouais. Après ta question. Tu lui as dit, tu fais quoi dans la vie alors tu savais très bien que c'était le ouais. Bassiste. Ah ouais, c'est marrant ça. Tiens, c'est rigolo ça parce que je crois que je t'ai vu tout à l'heure. J'ai une basse dédicacée en plus. Ah, ça fait des chouettes moments ça, en vrai, c'est cool. Ah ouais, c'est trop bien. Si tu attends pas et t'es, waouh, putain, merde. Oui, oui, c'était. La peste en plus. Ouais, c'est trop bien quoi. Tu nous avais raconté que c'était super en plus. À part, j'ai fait une merde dehors, mais. À part la nuit, c'était maudite. Un festival ou c'était juste un concert mmh. Ah ouais. C'était juste un concert. Juste enfin, c'était les concerts comme il y a pendant l'été, tu sais. Ouais. D'accord. Enfin... Oui, une sorte de festival, enfin de lieu de festival, mais ils mettent un concert. C'est ça. Ouais. Mais c'était pas un festival, mais il y avait des week-ends, les concerts, quoi. Ouais. Trop bien. Stylé. Bah ouais, grave. Stylé. Mais c'est écoutez cool. Les Flogging Molise, ça défonce. Bah écoute, ça sera ta recommandation dans ton. Et les Deep Mary's. Flogging. Ouais. Pas trop whist, ouais. A priori. Pas ce soir en tout cas. Et vous avez une wishlist des groupes ou des concerts que vous aimeriez faire, genre des festivals ou des groupes que vous rêveriez de voir? On en a forcément. Vas-y, toi. Vas-y, vu que tu fais la moue. Tu fais la moue. Ah, bah, je sais pas, toi t'as les Strokes. Ouais, moi ce serait les Strokes de ouf. Ouais, j'avoue que je verrais bien aussi. Si j'arrive à les voir un jour. Mais oui. Bah là, il faut des duos avec Nathalie Mouglia, apparemment. Ah. Alors, juste le guitariste. Ouais, on a trouvé une chanson qui vient de sortir. Bah oui, mais. Ah oui, mais tu étais. J'étais là. Non, c'était déjà arrivé, en fait. J'étais là. J'avais zappé. Et du coup, t'as un groupe ou même un festival? Toi, il y a Aurora. Il y a Aurora. Aurora, la chanteuse, ouais. C'est quoi comme style Aurora? C'est un peu planant, c'est un peu pagan, je pense. Ah, mais si, attends, Spotify me l'a proposé en plus récemment. Bah, écoute, Aurora. Elle est nordique, un peu. Ouais. Un peu à la Björk, un peu. Oui, exactement. Mais pas du même pays. Non. Et autre, ouais, gros. Il y a, bah, tous les festivals du jour. Si, il y a un truc que t'avais sur ta wishlist, c'était David Bowie. Ouais, mais. Raté. Oupsi. Lui, c'est le concert. Voilà. Quoi enfin, à cause du Covid. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça, il n'avait pas de masque à l'entrée. Relou. Et non, ouais, du coup, non, des festivals, des vrai, trucs. Il y en a plein, enfin, je peux pas tous les dire. Le stand est cool, on a envie d'aller voir en concert. Ouais. Mais pas le. Ouais, t'as pas un truc au-dessus de tout. Bah, j'allais dire Woodkid, mais on va aller bah, voir. Woodkid, on y va bientôt. Ah, voilà. Ça va, ouais. C'est une belle chose. Ça fait, ouais. Mais j'ai Vardruna que j'ai réussi du coup à aller voir. C'est un autre groupe viking. Mm-hmm. T'es où sans la ville? Là, comme ça, je sais pas. En vrai, c'est plus quand je vais voir des concerts, c'est plus pour deux choses. Soit c'est genre bah, que c'est pas loin, c'est pas chiant, donc let's go, tu vois. Non, mais c'est vrai, quand t'as des concerts près de chez toi, de l'ambition. Profite, tu vois. Mais non, mais genre quand je me déplace, c'est vraiment parce qu'il y a 2-3 groupes que j'aime bien qui jouent en même temps, tu vois. Et que je sais qu'en même temps, ça va faire un voyage sympa et tout ça, tu vois, voilà. Et sinon, je sais pas, les artistes que j'aimerais bien voir, c'est peut-être. C'est pas tant musicalement, mais c'est plus parce que je sais qu'il y a une grosse ambiance, genre grosse scéno. Tu sais que tu vas vraiment prendre plein de gueule. À la Rammstein, et, par exemple. Bah, par exemple, tu vois, ce genre de bail, tu sais que vraiment tu vis un truc. Après, sinon, j'ai rien de particulier en vrai en wishlist, un truc comme ça, non. Toi, tu vas plus au concert pour voir tes potes? Ouais, aussi, c'est un truc aussi. Pour les ambiances là-bas. De ouf. Après, si on doit parler de gros artistes, tout ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est sûr que j'aime bien vraiment le côté scène locale et tout. Ça, c'est un truc qui me fait trop kiffer. J'adore aller voir mes potes jouer, ou même m'intéresser à des petits projets que je connaissais pas, que j'ai jamais entendu, jamais eu l'occasion. Voilà, ça c'est un truc c'est un truc que j'essaye de faire plus maintenant, mais les concerts ils sont pas vraiment encore revenus, mais voilà, on va dire que c'est maintenant je suis plus dans cette optique là d'essayer d'aller voir des petits concerts, des trucs de kiffer, tu vois, c'est l'instant supporter votre scène locale et tout, non. En vrai, producteur de musique locaux. Ah non mais grave, c'est le tour. De fou. Le circuit quoi. Et l'OSDF putain. Non mais ouais, en vrai c'est important. Les SDF n'ont rien à faire là-dedans d'ailleurs. Oui. un petit groupe de SDF qui fait une petite chanson, ça cartonnerait. On dérape. Ça manque un peu aussi cette époque locale. Enfin, tu sais, en 2010, quand toi t'avais un groupe, quand notre demi-frère avait un groupe aussi, tu vois, il y avait. C'était un moment où tous les, il y avait plein de groupes à Lyon et on se voyait souvent. En fait, il y avait souvent beaucoup d'événements avec plein de groupes qui jouent en même temps et que, enfin, c'était un peu plus facile. Il y avait, enfin, il y avait moi aussi de. Et tout le monde se connaissait en fait. D'administratif et il y avait un peu un crew géant qui s'était créé parce que tous les groupes jouaient ensemble souvent et puis c'était un peu aussi ambiance marrante en général. C'est ça. C'est une époque qui manque un peu, moi. En vrai. Mais en fait, il y a aussi, je pense, c'est un peu lié au fait, déjà que les groupes, il y a moins de groupes de rock à Lyon. Oui. Et surtout que. C'est faux. Ils ont compliqué le. Non, mais après, et puis ils ont compliqué après un peu aussi l'histoire qu'il faut avoir des assos. Ça, tu peux plus jouer juste comme ça en disant bonjour la marquise, est-ce que je peux jouer chez vous, quoi. Et ça change un peu le deal. C'est quoi, c'est au Rock and Eat, ils font toujours un peu des scènes un peu ouvertes. Je confonds le Maxine's et le Rock and Eat, je sais plus lequel est où. Maxine's Valmy. Maxine's Valmy. Pardon, non, Rock and Eat Valmy, pardon, et Maxine's c'est Croix-Rousse. C'est quand même plus salle de concert. Le Maxine's, ça reste un peu plus. Ouvert. Enfin, tu fais un peu des concerts et tout au Maxine's, mais c'est plus un bar, quoi. En vrai, c'est moins. C'est plus pour des concerts un peu plus. Un peu moins fat, rentre dedans, tu vois. Le Rock and Eat, tu sais que tu peux faire un peu plus de bordel, quoi. Mais ça reste une petite salle, mais c'est. Les deux sont très agréables. C'est un peu comme le Ninkasi aussi, le Ninkasi KO, où c'est un peu mais alors là, c'est même pas. C'est plus précis. On va dire que Maxine's Rock and Eat, tu commences vraiment à organiser des concerts où t'as un groupe défini qui va jouer. Tu vois, limite un producteur. T'as des orgas qui. Voilà. Ou pas, des fois les salles bookent des trucs aussi, mais. Le KO, je crois, c'est plus t'as des petites scènes ouvertes où chacun, dans la soirée, monte sur scène comme il veut. Bah, les groupes semi-professionnels peuvent monter sur scène au KO, quoi. Enfin, je suis allé voir des concerts là-bas aussi, ouais. Mais ça, parce que je pensais que tu parlais plus du principe de scène ouverte. Non, bah scène ouverte après, malheureusement, je sais pas, j'en connais pas plus que ça. Il y avait justement un peu une période au KO, en tout cas. Au KO, ils faisaient ça, ok. Un peu des jams, tu vois, des bails de. Mais bon, c'est autre chose, quoi. Ouais. Mais des petites scènes à Lyon, il y en a pas mal en vrai, il y en a plein tout fermé, hein. Vous citiez tout à l'heure le Lions Hall que moi j'ai jamais connu. Je me pointais pas dans ces lieux-là à ce moment-là. Parce de ma vie, t'es pas encore prêt. Non mais non, bah regarde ton frère, on a le même âge, toi t'as connu. Je venais supporter, moi. Ah oui, d'accord. J'avais deux de mes frères qui jouaient dans la même salle le soir. Tant qu'à faire. Je pouvais aller dans les loges, ça, me sentais un peu léger. J'étais le seul qui avait pas de groupe. Allez, allez les mecs. Littor, t'as une wishlist, toi? Alors moi j'ai un groupe que j'aurais beaucoup aimé voir, mais un peu comme Clément, c'est plus possible. Pour d'autres raisons, c'est Lost Prophets. J'aurais adoré les voir parce que sur scène c'était bonsoir assez... bienvenue sur Cancel Radio. À l'époque où on savait pas, ça restait pour moi un groupe que j'adorais, qui avait un peu de scénographie aussi parce que les mecs sont nombreux et puis il y a vraiment des chœurs, des trucs stylés. Et puis suite à des accusations de pédophilie extrêmement graves. Ah, oui, le chanteur, ouais. Aïe, aïe, aïe. On parle de bébé. Hein. On parle de 11 mois. Hein. Ouais. Donc, ouais, ça casse un peu le move là. Du coup, j'ai moins envie de les voir maintenant. Mais là, comme ça, on se souvient de la chanson To Hell We Ride de Lost Prophets, hein, évidemment. It's not the end of the world, baby. Ah. Oh là là. Ouais, donc terminé quoi. Donc non, et puis sinon j'aurais dit, ouais, peut-être pour l'ambiance, Limp Bizkit ça aurait été lourd. Ouais, franchement. Ouais, je les ai vus, ça déboîte, je les ai vus au Transbo. Ouais, voilà. Mais, ouais. Mais le Transbo, bien. Toujours une très bonne programmation d'ailleurs, on peut en parler. Ouais. Quand je tombe pas dans les pommes, c'est pas mal le Transbo. Ah. Et c'était passé au Transbo Ouais, c'était une petite salle en plus. Ouais. Mais dis pas. Ouais, il y a pas tant. Ah non, c'est pas les. Mais c'était trop bien. C'était. Au Transbo, t'as vu. Enfin, okay. Pardon, je parle de Linkin Park, c'était, tu l'as vu. Je l'ai vu au download, alors, toujours avec Victor. Ouais. Ah oui. Coucou. On avait raté Blink, mais on avait pu voir Linkin Park un mois avant. Deux mois avant le jour. Oh, ouais. Ah la vache. Encore un groupe qu'on peut plus voir maintenant. Bah, ouais, mais bon, on l'avait vu, donc c'est énorme. Ouais, c'est clair, franchement, on l'a vu. Ouais. Juste à temps. Ouais. Vous aviez eu un bon instinct d'y aller. C'est ça. C'est clair. Et toi, Jules, du coup, en gros concert, t'as dit. En wishlist, franchement, il y a plein de groupes. Alors, en festival, on n'arrête pas de parler. Enfin, on en parle des fois, le Slam Dunk. Parce qu'il y a plein de groupes qu'on écoute. C'est vrai. Il y a Four Year Strong, il peut y avoir Where's the Ocean, Normandie. J'adorerais voir Bring Me the Horizon en concert aussi. Weezer, ça me ferait kiffer. Et. Quoi? Non, mais le follow. Oui, il y a Chauve-Sourire qui s'est. C'est quoi ce bordel? Vous connaissez peut-être? Non, c'est un running gag. En soi, c'est un nom de Pokémon. Mais, okay. Mais le nom est celui pété. Qui en cœur ou pas? Chauve-Sourire. Ouais, c'est celui-là. Il y a un Pokémon qui s'appelle Chauve-Sourire. Ouais, vraiment. Tu l'as déjà vu, je pense. Si tu regardes une comme une chauve-souris, du coup. C'est un Pokémon blanc et noir, je sais pas quelle génération. C'est d'une faiblesse. Ouais, c'est horrible. C'est un peu décevant. Par contre, je suis très fier de celui qui a choisi ce pseudo-là. Bah, merci à toi de nous avoir follow. Pardon, du coup. Il y a un crack dans le chat. Ouais, des groupes comme Fire Strong, Weezer surtout, parce que c'est un groupe un peu. En plus, Weezer, on a connu par notre père. Grave. Notre père. C'est bien tout ce que j'ai gardé d'ailleurs de sa culture musicale, mais vraiment Weezer, ça m'est toujours resté. Et c'est genre. Et je devais les voir d'ailleurs, mais avec le Covid, je les ai pas vus. Oh, ça viendra, t'inquiète. Ouais. Et ouais, des groupes comme ça, de la scène un peu, on va dire, alternative rock et même metalcore aussi, des trucs comme ça. Ça me ferait bien kiffer. Okay. Billy Talent. Si, aussi. C'est un autre groupe qu'on aurait adoré voir. Des certains Foo Fighters qui devaient jouer le 14 novembre 2015, juste avant les attentats du 13 novembre. Ils ont donc dû, à un jour près, annuler leur tournée en Europe. J'avais un pote de Belgique qui devait venir, je devais l'héberger et tout, machin. Et abusé. Oui, bon, j'ai rien de plus à dire. Là, il le dit comme ça dans le fond. Ah ouais, non, bien joué, Foo Fighters. Ça m'a fait tellement mal. Ouais, moi aussi, je te le partage. Toi, Théo, t'as eu. Allez, à part les Strokes. Déjà, les Strokes, j'aime bien. Mais non, sinon, j'ai toujours pas vu. Ça va être horrible à mixer. Ouais. Courage. On mixera pas. Je pense qu'on mixera déjà, le fait d'avoir raté McCartney, ça m'a. McCartney. Après, t'as vu qu'à t'asseoir. Mais il ne repart pas à son concert. Non, il a annulé, même en Italie, en Allemagne aussi. Il a tout annulé. Rien à faire. Et j'ai toujours pas vu Arctic Monkeys aussi, que j'ai trop envie d'aller voir. Stylé. Même si maintenant c'est genre devenu des espèces de caricatures de mèmes, moins intéressant qu'avant. Est-ce que c'est devenu un peu mainstream? Non, c'est pas ça. C'est que c'était même. Je pense. Ça, c'est bien, les producteurs ils crachent sur tous les artistes qui sont pas dans leur label. T'essaies de faire quoi en fait? T'essaies de faire quoi là? Attends, t'essaies de prouver quoi pour le dire? Attends, t'es devant des millions de gens là. Enfin, vous êtes déjà 7. 11. Et non, je sais pas, après des trucs genre Kendrick Lamar ou Anderson Paak, j'adorerais ça. C'est trop bien. Ah putain, j'avoue, ça doit être hyper lourd en concert. Mais de ouf, c'est trop bien. Eh ben vous attendez quoi? Non, prenez des places en fait. Non, voilà, j'ai des trucs comme ça. Ok. Oh, non, mais c'est bien. Très bien. On a fait le tour des wishlists. Ouais, je pense qu'on a fait. T'as dit Clément toi? Ouais, bah moi c'était les Strokes. Ah oui, c'est vrai. Toi, Muse, j'aimerais bien aussi. Au-dessus de tous les Strokes, toi, ça m'étonne. Enfin, je pense que. Non, c'est normal. Ok, waouh. Hyper mal, le mec. Je vais boire un très susceptible. Non, mais ouais, Muse aussi, j'aimerais bien. Ça doit être stylé. Ouais, Muse, ça doit être stylé. Surtout en scénographie et tout, ça doit être pas mal. Ça doit être. Podim nous dit dans le chat qu'il est allé voir il ou elle d'ailleurs je ne sais pas elle. Elle est allée voir Brian Wilson des Beach Boys qui était passé au Nuit de Fourvière bien. Vieux mais un régal quand même. Et c'est vrai que c'est qu'est-ce qui était précieux. Vieux c'était vieux. Arrivé cher vieux. Oh, le mec il est trop vieux quoi. Ou le vieux mais un régal. Ok, bah ouais, ça doit être stylé. Ouais, surtout s'il reprend des chansons des Beach Boys après. Parce qu'en solo, je connais pas du tout, mais. Ouais, ça doit être bien, en vrai. Ça doit être pas loin, ouais. Ouais, ça doit être sympa quand même. Bah, je crois qu'on a fait le tour un peu du sujet. Ça vous passerait pas au jeu ? Ça vous va ? Bah, ouais. Hein. Oh oui, jouons. Il s'appelle le Hardcore Blind Test. Ouais, on a pas trouvé de préparer le truc. Bah, écoute, les papiers sont là. Merci beaucoup. Ah, alors, ça fait beaucoup de bruit, ouais. Ne tapez pas trop des pieds, c'est un peu insupportable. Je sais pas comment je pense que tout le monde a entendu. Ouais, moi j'ai pas entendu. J'aurais dû monter ton micro. Moi j'ai pas entendu par contre. Bah, moi non plus, je suis déçu. Mais je crois qu'il. Oui. De toute façon, il passe devant la caméra donc on comprend. Oui. Alors, le hardcore blind test, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, papy. Je suis sur le chat en retard, nous. Le hardcore blind test, en gros. C'est un jeu. Ouais, vas-y. Vas-y, pendant que tu configures. Je fais tout doucement. Clément va vous passer va vous donner une playlist. Vous allez devoir mettre un casque. Ce casque. Et vous allez devoir nous chanter l'air d'une chanson tout en disant le mot qui se trouve là-dedans. Le mot ou le bout de phrase. Lourd. J'adore déjà ce jeu. Trop bien. Il n'y a rien d'antisémite décrit là-dedans. Pas mal. Ouais. Normalement. Ouais. C'est le vieux traquenard, tu sais. Bah, vas-y, on t'a dit qu'il n'y avait rien. Dis-le, on est clair. Ah non, c'est pas ça la phrase. Hein. Voilà, donc je vais vous passer là. C'est une playlist Spotify où il y a plein de chansons. Vous choisissez celle que vous voulez. On vous passe le casque qui est là. Vous chantez en même temps que la chanson. Vous faites ce que vous voulez, selon l'air, quoi. Soit vous chantez les paroles, soit vous chantez l'air de la chanson avec les mots, en répétant les mots ou les phrases qui sont marquées là-dessus. Okay. Et nous, on doit deviner. Turbo Cancel 2000, bien sûr. C'est ce qui est marqué dans le chat. Putain, bien sûr, bien sûr. Voilà, est-ce qu'on compte des points ? Bon. Qui c'est qui veut commencer ? Qui c'est qui se change chaud ? Allez, vas-y. Allez. Alors, je te passe. Je t'ai regardé direct. On n'a pas du tout testé la config. Normalement, ce casque est connecté et fonctionne avec ce portable-là. Je te laisse sélectionner. C'est absolument honte qu'il touche pas la table, tu sais. Je vais sélectionner la chanson, je vais sélectionner un mot. Tu te sens chaud ou pas ? C'est bon ? Je crois que c'est parti. Un, ya. Attends, mais c'est un peu long. Ok. C'est chiant, il y a une intro en fait. Ah putain. Je me pense un peu si tu veux. Attends. Laurent Mariott. Laurent Mariott. Laurent Mariott. C'est dur. Oh, ah, mais c'est Pixies. Ah putain, bien joué. Oui. Putain, bien joué. Oh là là. Bien joué. Bien joué. Je te rends pas bien, il est grave stylé. Vas-y, je suis chaud. Allez, vas-y. Je te laisse la playlist, tu scrolles, tu choisis celle qui te sied. Tu prends un mot au hasard là-dedans. Sauf celui-ci. Parce que c'est Laurent Mariott. Toujours. Le retour de Laurent. Ah, Laurent Mariott des Pixies, du coup. Bien sûr. Il arrive fort. Non, qui sponsorise l'émission, avec son émission. Les petits plans d'équilibre. C'est fou qu'à force d'en parler, vous êtes toujours pas. À un moment, il a liké mon message sur Facebook. Une fois. La consécration. Et là, j'étais heureux. En vrai, on a déjà commenté le Laurent Mariott d'or. On l'a jamais commenté pour dire super plat, je te décerne le Laurent Mariott d'or. Allez, bis Lolo. Ça va aller super vite, les gars. Ok. Sinon, t'en fais une plusieurs. Si tu regardes pas, Bicou. Hein. T'as le mot, c'est bon C'est bon, j'ai le mot. Okay. En fait, c'est plus facile que prévu. Ouais, grave. Ah, mais là, ça va être très facile. Vas-y. Lionel Jospin. Oasis, mon nom. Oasis Jospin. Oasis Jospin. Oui. Et c'est un oui. Liam Jospin. Ça marche bien avec des paroles. Lionel Gallagher. Oui. Dans le chat, ils ont même pas le temps de trouver, quoi. C'est GG, Victor. Voilà. C'était vraiment le plus rapide. Allez, ciao Lionel Jospin. Ciao Lionel. C'est à qui ? Putain, on en a des bons qui sont tombés. Vas-y, fais-en ce temps-là, vas-y. Ok, c'est parti. J'aime faire de la natation synchronisée. C'est que tu me focalises trop sur les paroles. J'aime faire de la natation synchronisée. J'aime faire de la natation synchronisée. C'est dur, sa mère. En fait, avec des phrases, c'est J'aime faire de la natation. Synchronisée. Oui. C'est Ah, c'est. Non, c'est Knocking on Heaven's Door. Oui, c'est un rappel de ça. Ah, mais c'est ça que ça voulait dire, les paroles. Synchronisée. C'est la version française. Attends, c'est un auteur quand même. Quel moment, putain, je me régale. Oh, putain. Oh, le j'aime faire de la natation synchro. Tu as bien mérité. T'es un peu le Axel Rose français, Jules, de toute façon. Pardon ? Le Axel Rose français, ouais. Voilà. Phil Cannon. aussi. Alors l'idéal, ouais, c'est de vraiment mettre les deux oreilles. Comme ça, t'es bien dans la musique. Même temps, elle peut s'entendre chanter parce que moi, j'ai fait vraiment j'aime, j'aime. Genre, je m'entendais pas. C'était parfait, Jules. J'étais tout seul. T'étais sous ta douche. Une pizza au. Quatre chaussures. Ah putain, la pizza m'a fait bizarre. J'ai eu l'air de dire ma pratique. C'est quoi déjà une pizza ou quoi? Ah oui, quatre chaussures. C'est vrai que c'est quatre chaussures. C'est vrai que c'est trop peur en vrai les paroles. Bah oui, ça te perturbe. Tu l'as fait maintenant, tu vas fumer? Ouais. Allez, vas-y, viens te mettre là. Décalez-vous. Fais-le dans mon micro si tu veux. Non mais je le fais ici. Pour ceux qui écouteraient le podcast après, audio description. Alors il s'assoit sur ses genoux, prend le casque et il pioche un papier. Attention, c'est parti. Il y a une intro, a priori. Ça danse. Ça danse, ouais. Est-ce que c'est Camélia Jordana? Ah non, c'est du Twistel, pardon, je pense pas. Oh, il aurait twisté. Il kiffe la musique. Julio Iglesias, Julio Iglesias. The Cure, Don't Boys Don't Cry. Oh putain. Oh, je l'avais pas du tout. Ah, bah, je l'avais presque. Je croyais que c'était Julio Iglesias. Ouais, en plus, il a pris un personnage. Encore une couche. Marco Billette. Oh là là. Quel acteur. Putain, incroyable. Bien joué. Ok, je vais essayer ça. C'est propre. Un petit mot, Jules, tu manges éteint de mots. Bulle bizarre. Ah, ça va très très vite en fait, excusez-moi. On est en galère, le chat là. Eagles, Hotel California. C'est ça. Ah putain, bah le chat, trop tard. C'était quoi? C'était super rapide. Oh ouais, I'm d'accord. C'était quoi? I'm still standing de Elton John. Putain, je l'avais pas. Attention, le refrain. Bulle bizarre. C'est un Pokémon qui chante en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que. Dans l'univers, ce serait normal. C'est vrai. Mais il chanterait, il ferait des concerts. Après, bon, il nous reste des mots, vous voulez refaire un petit tour? C'est bizarre, Tom Jones. Franchement, on s'amuse trop bien. Allez. Franchement, c'est pas hyper fun ici, bordel de merde. Et je suis sûr, dans le chat, ils ont trop envie de venir jouer avec nous. Qu'on avait dit en scrim, Victor, cette fois. Angoulême. On l'a dit. Ils ont dit avant. Théo Perron l'a dit avant. Ouais. Je me servirais bien un petit verre d'eau, moi. Est-ce que alors, quelqu'un a soif ici? Raisonnable. Alors, si t'as un petit verre là, je suis bien chaud. Un petit verre Ninkasi. Et on parlait du Ninkasi justement. C'est pas tout confort ici? Vous vous rendez pas compte? Attendez, écoutez un petit peu le son. Tu fais de la ASMR? Tout le monde va avoir envie de faire pipi après. Tiens. On va tous se barrer, tu sais. C'était pour ça. Merci. J'en refais un petit. Ah, tu voulais aussi? Également. ASMR. Vous aimez l'eau? Vous aussi? Non, c'est bon, moi, merci. Jean Ben Guigui. Give me your love, machin, after midnight. Ah oui. Give me your man, ouais. C'est lui qui l'a dit, en gros. Il a dit give me your love after midnight, mais bon, tu l'as, oui, quoi. Ouais, ah oui, give me. Bengi, Bengi, Bengi. Jean Ben Guigui, after midnight. Gib, tu peux, parce que c'est Gimmy Amen. Allez, vas-y. Passe bien devant la caméra comme ça pour dire bonjour. J'avoue, est-ce qu'on laisse traîner un petit peu pour pour que le chat trouve un peu, genre on répond pas tout de suite on... Ouais, si vous voulez. Genre ouais, on donne un feu vert pour dire lequel a les réponses. Allez, ouais. On laisse un petit moment pour profiter aussi du son, quoi. Attention, c'est parti. Macron démission. Ah, oui. Macron démission. Oui, ah, je peux le dire? Vas-y, bah je sais pas, oui. Ah, oui. Le tien n'a pas trouvé? Yes. C'était quoi? Macklemore. Ah oui, c'est ça. Let's go. Macron démission. Ah non, mais dans le chat, il trouve assez vite avec un jeu de mots. T'as dit Macron démission? Ouais. Waouh. Tu l'as dit combien de fois sur? C'est engagé, ça. Ah ouais, c'est carrément engagé. J'ai vu le papier, j'ai dit. C'est à toi, Jules, je crois. Ça peut être à moi. Ouais, Michael Moore, on dit. Michael Moore. La lilulu, la lilulu, la lilulu, lilulu. Attends, un peu dans le chat. Ça là dans le chat. Ah, je l'ai, d'accord. Vas-y, Clémence. Ah oui, je vois. Clémence l'avait avant. Ouais. Vas-y, Clémence. La. Non, il l'a trouvé. C'est Avicii. Avicii. Okay, comment s'appelle la chanson, s'il vous plaît? Hi brother. Oh putain, mais oui. Hey brother. Ok, yes. Ouais. C'était quoi le mot? C'était Lalilu. Lalilu, c'est un mot de Clément. On fait... c'est chiant à dire. Ouais, c'est un mot de Clément, c'est genre. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est son vocabulaire. Écoutez, il sait pas assembler les mots. Théo, ça. Qui pour les deux dernières? Ah oui, bah Théo. T'en as fait qu'un, toi? Ouais, Ouais, bah, ouais, go. Il reste toi et moi, si tu veux, je passerai après. La lilulu. La lilulu. La lilulu. Allez. La lilulu, trop jeune pour mourir. Un bel hommage. Waouh, j'adore ton cactus. Attends, c'est trop bizarre, je chantais faux. J'ai trouvé un perso. J'avais oublié le personnage. Ouais. C'est toujours The Cure du coup. Ah non, merde, attends. Quoi? Attends, bonsoir. C'est bien que ça tombe là-dessus. Bon. Alors le chat, vous l'avez? Attends, non, j'ai fait de la merde, my bad. Attends, on va rapprocher un peu le micro. J'ai fait de la merde. Le wow est écrit. Tout et n'importe quoi, c'est terrible. En plus, je vois pas du tout quel chanteur ça peut être, du coup, l'imitation. Tu sais, il a commencé, mais là, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça aurait été dingue. Tu changes de chanson là ou... Oui, ah oh, putain, une chanson de Nathalie Imbruglia. Ah, ouais. Ah bah. En attendant, les Deep Marys, est-ce que vous avez une actu un peu en ce moment? Ah bah oui, il me semble. Ouf, on a arrêté le Covid. Le vaccin contre les embouteillages. Il y avait ça aussi, mais effectivement. Mais effectivement, pardon. Vous... Alors, j'ai entendu dire, vous étiez en studio là ou pas? Tout à fait, le week-end. Ouais, monte leur son, on les entend plus du tout. Mais il y a un buzz derrière surtout. Yo yo yo. M'entendez-vous? Pourquoi on vous entend plus? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, à mon avis, c'est la censure. Ah, voilà. C'est à cause de Macron démission, on a été censuré, tu vois. Ah, mais oui, bah voilà, c'est ça, c'est Macron démission. Voilà, on s'entend, allez-y. Donc, alors, l'actu. Et bah, du coup, l'actu, on vient d'enregistrer un EP 4 titres. Oh! Qui. On n'a pas encore de date, parce que du coup, on vient d'enregistrer, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais vous n'êtes pas prêts, tout simplement. Ah, ouais. Bien sûr. Je veux dire. Ce que vous dites. Alors, Je cautionne pas cette phrase, mais en dehors de ça, il dit vrai. Lali Lulu qui vient de de nous follow. Arrêtez vos conneries. Sérieux? Vous allez vous faire strike parce que vous avez trop de fake comptes qui vous suivent. Ouais. Des robots. Mais du coup, est-ce que vous avez au moins le nom de l'EP? Pas encore. Même pas. Nous-mêmes, on n'en sait rien en fait. Quatre titres, ça s'appelle. Et vous pensez ça sortirait vers quel trimestre? Je pense que ça va être quoi, plutôt fin d'année logiquement. Ouais, ça va être ça. C'est cette fin d'année là. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est en fait, t'as des fautes pour faire des concerts, du coup, on fait des chansons quoi. Ouais, parce c'est que les concerts, on sent pas de date du tout. Ouais, non, bah du coup, là, c'est compliqué. On va se remettre le pied à l'étrier. C'est ce qu'avait fait Foo Fighters quand on n'a pas pu les voir en concert. Ils ont sorti un EP Sainte Cécilia pour. On est les Foo Fighters, voilà. Bah, ouais, clairement. Pareil. Clairement, on est Dave Grohl. Les Foo Fighters du lyonnais, ouais. Vous êtes tous Dave Grohl. Non, on est juste. Voilà. Hashtag je suis Dave Grohl. C'est bon pour toi? Théo a trouvé. Ah! Du coup, fin de la promo, quoi. Pour l'actu. Mais on en reparlera. De toute façon, il n'y a pas beaucoup plus. Ok, on a compris, ouais, l'actu, c'est juste pour meubler, ouais. Vas-y. Pas d'intro. Ouais, mais j'adore ton cactus. C'est vrai. Ouais, mais j'adore ton cactus. Je te vois très bien, la chanson. Ouais, mais j'adore ton cactus. J'adore ton cactus. With these words. Merde, comment ça s'appelle? Ah, Killing It Softly. L'Ourinil. Ton petit cactus. Killing Me Softly, ouais. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau le cactus. Alors, comment ça s'appelle du coup? L'Ourinil Killing Me Softly, oui. Alors, c'est ça, mais qui est pas. C'est ça, mais c'est pas l'Orinil. Elle était dans un groupe, l'Orinil. Alors, Fujis, ouais. Ça a trouvé dans le chat. Bravo à Tanguy. Bravo. Quel crack. Quel crack, oui, c'est Tanguy. C'est la dernière, du coup, celle-là? C'est la toute dernière. La balle de match. Ah, mais non. C'est clairement le gameplay. C'est Roulou Iglesias. Ça empêche pas. Tu peux faire une finale. Un petit dernier. Du Roulou Iglesias. Un dernier Roulou, là. Allez. Ok. Julio Iglesias. C'est tout le monde fait. Julio Iglesias. C'est que si personne devine, il est obligé de continuer. Oui. Iglesias. Bientôt sur YouTube, il y aura 10 heures de club qui fait Julio Iglesias. C'est l'enfant. Julio Iglesias. Julio Iglesias. J'ai aucune idée. Tu sais ce que c'est, trouvé ou pas? Je l'ai pas. Est-ce que dans le chat, tu sais ce que c'est? Ils l'ont dans le chat ou pas? Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Mais c'est incroyable. Alors continue. C'est incroyable, en effet. T'as pas dit d'arrêter. Iglesias, Julio Iglesias. Elle sent trop aiguë. Ça va devenir un bonheur, en fait. Quelle époque. Julio Iglesias. Ça sera dans le best-of. Je commence à aimer. Julio Iglesias. Vous l'avez pas? Non. Personne ne l'a? Non. Ah, oh putain! Mais je chante si mal que ça alors? C'est non, mais c'est parce que ça doit pas être. C'est un truc qu'on l'a pas. Julio Iglesias. Il y a du soleil et des nanas. Julio Iglesias. Non, merde. Julio Iglesias. Julio Iglesias. En fait, c'est le mot le plus dur pour trouver, je crois. Ah ouais. Julio Laurent Mariotte. Ah, c'est Mariotte. Oui. Putain, c'est fou. Mais ça, t'as changé le les gars, non, les gars, vous avez trouvé le nouveau jeu. Maintenant, c'est que avec Julio Iglesias. Ouais, ouais, c'est le high level Julio Iglesias. C'est fou, t'as changé, ah, ça m'est apparu clairement. Dans... C'était limpide. En fait, tu fais un refrain Julio Iglesias, pas tu passes en Laurent Mariotte. Et là. C'était dur, en fait, il n'y a pas assez de syllabes dans Julio Iglesias. Julio Iglesias, Julio Iglesias. Mais c'est trop dur. Il n'y a pas assez de syllabes. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Ah, désolé, les gars. Bah, bravo, les demain, c'est bravo, la bravo, bravo pour la perte. Bravo. Ah, putain. Non, vous pouvez pas dire ça non plus. Ouais. N'applaudissez pas non plus, quoi, les gars. Les gars. Oh là là, merci, les gars. Merci. Et c'est sur cette magnifique prestation qu'on va se quitter avec les recommandations culturelles, voilà, tranquillou. Histoire de faire un peu comme tous les podcasts célèbres. Bien sûr, vas-y. Hop. Formidable. Alors, il y a Nathalie Imbruglia qui a sorti une chanson avec le guitariste des Strokes, Albert Hammond Jr. Alors, un petit peu plus fort, excuse-moi. Il y a... un peu plus dans... Et ils sont où tes parents? Ça se fait un peu déjà comme ça. Et c'est... Non, c'est pas une vraie recommandation, mais c'est... la chanson est nulle, mais c'était... Ça s'appelle comment, c'est du coup, la chanson? C'était Maybe It's Great. Je croyais que c'était ton portable, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Pas du tout. Je m'entendais bien ton titre. Alors, je regarde, hein, j'arrive tout de suite. Il peut se trop quoi, en attendant. La reco de Clem. Vous voulez que je fasse un reco? Ouais, Maybe It's Great de Nathalie Imbruglia et de Albert Hammond Jr. Qui n'est pas vraiment une reco, mais allez voir. Non, c'est pas du tout une recommandation, c'est juste pour dire que c'est sorti. Ça fait partie ça des, existe. Des ça existe. Enfin, des feats les plus improbables du monde. C'est ça. Voilà. Maître Gims Sting. J'allais le dire, putain, je le cherchais, mais écoute, tu lis dans les pensées. C'est bien ça d'ailleurs? Je sais pas. Il joue dans le métro, je crois. Ouais, il joue dans le métro D, ouais, apparemment. Ouais, c'est tout ce que je sais enfin, de cette apparemment, je l'ai vu. Ah. Ouais. Et toi, non. T'as pas vu ce clip? Non. T'as Sting et Maître Gims dans le métro D de Lyon. Ok, quoi, énorme. Vous avez jamais vu qui joue? Ils ont fait un clip ensemble, ils ont fait une musique, ouais, ensemble. C'est complètement incroyable. Maître Gims, il fait... Oui, bah... Oui, il a ça, on le reconnaît. Bah, vite fait, je fais un petit troco. Vas-y. Alors, moi, c'est un compte Instagram d'un humoriste américain, je pense. Comme toutes mes recommandations, c'est toujours un petit peu approximatif. Alors, ce mec s'appelle Matty Shimbor, ça s'écrit M-A-T-T-Y, Shimbor, C-H-Y-M-B-O-R, pour ceux qui veulent noter. Ça fait beaucoup, quand même. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup, vous faites pause, vous notez. Les liens des recos, de toute façon, seront en description. Il a que 50 000 abonnés sur Insta, et en vrai, il est méga drôle. Il fait des... Du coup, apparemment, c'est un humoriste de stand-up à la base. Et il fait aussi du coup des vidéos sur Insta où il fait des sortes de personnages, mais c'est des personnages genre... Teddy Simoon. Non, mais en gros, il joue par exemple un verre d'alcool quand tu rentres de soirée, machin. Vois, en gros, il fait tous les personnages et il colle un emoji sur lui pour dire qu'il joue tel truc. Genre, il joue le verre d'alcool, par exemple. Ouais. Là, la blague est moins drôle racontée comme ça. C'est ou genre, merde, des parties de ton corps. Genre, ton cerveau qui va... En fait, lui, il fait le cerveau qui va se barrer de la pièce comme si c'était un personnage, tu vois. Mm. Et en fait, il fait plein de petits... Mm. Et c'est super drôle, franchement. Okay. En plus, t'as pas forcément besoin de comprendre beaucoup l'anglais parce qu'il fait surtout sur les mimiques. Et c'est vraiment... Enfin, ce genre d'humour, j'avais jamais vraiment vu ça sur Insta. On dit le blaze. C'est Matty Shimbor. Shimbor. Okay. Shimbor, ouais. Attends, ouais. Tu graves l'émission, j'allais redemander de dire le blaze justement. Apparemment, il a un podcast aussi, Matty Shimbor podcast, je vois sur sa description. Bon, bah, bon, par contre, mais il voilà, a pas marché sur la plate-bande. C'est de l'humour un peu de situation comme ça, mais très. Enfin, c'est super imagé, et c'est très précis sur des situations. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait des blagues là-dessus. Donc c'est très original. Allez, ouais. Bah, allez voir, en plus, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, évidemment. 50 000, tu vois, pour un humoriste américain. Oui, oui, oui. C'est vrai. Si tu peux aller voir. C'est pas une grosse resta. Je vous filerai le. Le blaze. Attention, câble. Oh, allez, et ça fatigue, hein. C'est fatigant. Mais on peut pas faire ça. Voilà. les gars, Clémence peut-être. Allez, pareil. Bon, du coup, finalement, ça va être une recommandation musicale. Ah. Oui. Elle hésitait tout à l'heure, mais toute la journée, elle stressait. Elle était en mode, j'ai pas de recommandation, j'ai encore un livre, un film, une série. Franchement, on s'en fout. On ce que tu veux. Les quatre, si tu veux. Et bah, au final, je vais vous parler du groupe de mon chanteur. Oh, ah, mais très bonne idée ça. Tu sais que je chantais mal tout à l'heure. Ouais. Je vais vous parler de mon groupe, allez voir. Tout non, de suite. Du coup, il fait aussi du death metal. Il ne chante pas dans celui-là. D'accord. Il joue vraiment de la guitare. C'est le groupe Skaphos. S-K-A-P-H-O-S. Il a fait pas mal de trucs en France, mais à partir de maintenant, il va commencer à tourner un peu dans l'Europe. Il a une tournée en Europe de l'Est. Ah ouais. Voilà, en première partie d'un groupe Death Vader, je crois. Death Vader. Qui a 1 million d'abonnés sur Facebook, juste ça. Voilà. On veut des chiffres. Il commence à faire aussi des clips très quali sur YouTube, ouais. Si vous voulez aller voir. Ils sont sur Spotify, tout ça. Très bien. Cafos. Ok. S-K-A-P-H-O-S. Bizarre, putain. Bonne mémoire. T'as toujours le driver de l'émission. Quel drive. Jules, vas-y, si tu veux. Vas-y. Alors, moi, j'ai pas de chaîne YouTube, pas de film, etc. Cette fois, c'est des jeux vidéo que j'ai fait et que ça m'a fait plaisir. Déjà, ok, j'ai pu finir, le hein. Geek. Ah ouais, arrête avec les petits boutons, là. Je m'éclate trop. J'ai joué à ces deux jeux que m'a offert Victor, d'ailleurs. L'un, il me l'a offert en 2015, c'était South Park The Stick of Truth, que j'ai fait très tardivement, mais que j'ai fait avec un de mes amis pendant le deuxième confinement. Et franchement, c'est pas toi, c'était pas toi. Je croyais qu'on était ensemble, collègue. Collègue, ouais. C'est pour ça qu'on pouvait pas jouer à d'autres jeux. Partenaire. Partenaire de mission. Collègue tout au plus. Intérimaire, quoi. Ouais, bon. Le gars là-bas. Et en vrai, c'est fou parce qu'ils ont porté autant d'attention au jeu qu'à un épisode, tu vois. Enfin, genre, c'est vraiment de la même qualité, c'est vraiment aussi bien. C'est aussi bien écrit, c'est aussi drôle, t'as vraiment des bonnes vannes. Et le jeu a l'avantage, moi, parce que moi, c'est un truc qui me saoule maintenant de pas être trop dur. Parce que moi, passer 40 heures sur le mode histoire d'un jeu, maintenant, ça me saoule. Ouais. Et là, franchement, tu peux le faire avec plaisir. Ça m'est arrivé de perdre et tout ça, mais franchement, ça va. T'as perdu avec plaisir, quoi. J'ai perdu avec plaisir parce que je savais que j'allais pas perdre 40 000 fois. Et puis voilà, c'est un jeu, tu te fais ta classe, bon, paladin, enfin non, je sais plus ce que c'est guerrier, mage, juif, voleur, tout ça. J'ai compris, tu sais, tu te fais ta classe, genre un peu, tu sais, tu te fais ta clé, mais un mot un peu stylé. Tu te fais ta classe, tu retrouves tous les persos que tu kiffes, et il y a vraiment beaucoup de moments avec des QTE super drôles, et c'est pas, voilà, c'est une bonne durée de vie. Ils ont sorti la suite, d'ailleurs. Ouais, The Fractured Butthole. L'anal du destin, exactement. Mais je l'ai pas fait, mais franchement, je le ferai avec plaisir. Okay. Et un deuxième qui a pris cher en vrai, c'est Pokémon Let's Go Pikachu. Parce que jugé trop facile. Sauf que moi, Pokémon Jaune, avec Victor, je l'avais fait 40 fois quand j'étais petit. Donc ça m'a fait plaisir de pas refaire l'aventure, de pas tout me retaper, à devoir monter des Pokémon niveau 100 et tout ça, et toute une équipe. Le passage à la 3D t'offre aussi une vraie immersion en plus, et c'est vraiment, ça déchire. Okay. T'arrives devant les Pokémon légendaires, c'est d'autant plus beau et c'est vraiment cool quand t'es fan de Pokémon. Let's Go Pikachu, il est sorti récemment Non, c'est celui sur Switch, c'est le premier qui était sorti. Ah oui, non, ça, c'était pas vraiment nouveau Pokémon, mais un peu nouveau. Mais du coup, c'est une aventure type Pokémon ou c'est un truc... En gros, ça a mixé. T'es un dresseur ou est-ce que t'incarnes des Pokémon qui font une aventure? Il y a des jeux comme ça qui s'appellent Pokémon Donjon Mystère ou t'es tel Pokémon. Moi j'ai cru que c'était un truc de ce. Là, t'es un dresseur. C'est un remake du Pokémon Jaune, mais en 3D. Mais en 3D et un peu avec un peu des bases de Pokémon Go. Genre, tu les captures, c'est comme avec le. T'as pas à leur mettre 2 HP pour pouvoir les capturer ou je sais pas quoi. Ça marche pas comme ça, je crois. Mais est-ce qu'il y a chauve-sourire dedans? Non, première génération. C'était le raison des notes basses. Ouais. L'absence de chauve-souris. L'absence de chauve-souris. Mais dans quel jeu il est? Dans lequel chauve-souris? Je sais pas quelle génération. C'est blanc et noir en tout cas. Voilà. C'est débat, voilà. Victor, vas-y, tant que t'as le micro près de toi. Eh bien, pour ma part, déjà les Deep Mirrors, n'oubliez pas, les clips sont toujours sur YouTube, même si on n'est plus, on s'est enlevé de tous les autres trucs Spotify et compagnie, mais on a toujours nos clips. Ah bon, vous êtes enlevé? Non, Spotify, non, on a dû enlever parce qu'on va on reprend toute la page, on va tout refaire. D'accord. Vous revenez propre. Exactement, on revient propre. Et sinon, pour la reco, moi j'aurais dit, sinon, il y a un compte Instagram qui me fait beaucoup rire en ce moment, qui s'appelle Tintinade. Qui est des parodies des planches justement de RG. Tintin, de RG. Mais genre, fait justement, ils remixent les bulles de dialogue et c'est très drôle. Ils font des mèmes. Oui, ce sont des mèmes, clairement. Un même lord, quoi, le mec. Il m'aime à donf. On a des révélations pendant le chat, ça me perturbe. Chauve-sourire, c'était Tanguy en fait depuis le début. Oh et Lali Lulu. Encore son prank quand même. Lali Lulu, c'était Canard Tichot. Oh là putain, là. Quel duo. Putain. Mais ça nous fait gagner des followers gratos d'un côté. Donc nous on prend sans que ça soit des bots, on y va. Ça nous ça me va. Ok, super. Voilà, t'en avais pas une autre, non? Ah oh, ouais, Ellipse, non, toujours, c'est quand même assez connu maintenant. Mais Landmarks, bien sûr, le groupe de. Ah ouais, de ouais, moi aussi, je recommande beaucoup. Metalcore, excellent groupe. Landmarks. Landmarks, avec un. À la place du A de Marx, vous mettez un V. Ouais. Ça fait Landmarks. Ah oui, oui, oui, Landmarks, ok. Mais excellent groupe qui vient sortir son album, justement, donc n'hésitez pas. Et où Théo est dans un des clips? Mais non! Il apparaît furtivement? C'est l'album d'avant, mais Théo apparaît furtivement dans un des clips. Ah, énorme! Mais ouais, ils ont fait ça, ils ont fait une session pas live, mais en stream aussi. Ouais, live stream. Ouais. Que j'ai tout regardé, c'était bien stylé. Excellent. Ouais, c'est propre, cool. Ouais, j'ai très fan. Le sol d'avant, toujours très très cool. Très sympa. Eh bien, je passe la parole à mon ami Théo. Ouais. Wow. Oui, je disais, et dans le live stream qu'ils ont sorti juste avant, il y a Resolve. Et juste avant, il y a Glassbone aussi. Glassbone, ouais. Ouais. Mais ouais, Resolve, les petits gars de Lyon, oh, ils vont aller loin. C'était bon. Alors du coup, ouais, alors ma reco à moi, c'était un podcast. Ah. Parce que je suis un peu un féru de podcast. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il en a bien un. Ouais. Alors. Il en a cité deux. Voilà, c'est ça. Ouais, je crois que le nouveau nom, c'est. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Avant, c'était Porn Stars Are People Too. Okay. Et okay. Maintenant c'est. Le Sexy People Podcast. Ah. Voilà. Et donc ça en fait. Ça valait l'attente. Grave. Non mais je pense que. Du voyage. Vous trouverez plus facilement sous le nom de Porn Stars Are People Too. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Dan Frigolette. Qui est en fait un non rigolo. J'avoue. Non, qui est un comédien, okay. Encore un ricain. Alors, me demandez pas dans quoi il tourne, j'en sais rien. Et puis, c'est pas la question ici. C'est vraiment un comédien mainstream, pour le coup. Alors, il tourne dans des bails à la HBO et compagnie. Ah, voilà, il fait des trucs, tu vois, voilà, quand même assez solides. Calieux. Et en fait, il a ce podcast où il reçoit à chaque épisode. Quelqu'un de l'industrie du porno. Okay. Voilà. Donc, ça peut être, je sais pas, un réalisateur, une réalisatrice, un acteur, une actrice, peu importe. Et il reçoit toutes les identités, toutes les sexualités. Enfin, c'est voilà, bref, à chaque fois, il a une personnalité de l'industrie et il chatche avec. Et c'est hyper intéressant, c'est cool. trop cool. Et alors, on va pas se mentir, il y a des épisodes. Où vraiment il reçoit mais des teubés complets, genre rien c'est ah ben chez moi ben j'ai mon chien et tu vois genre rien à raconter. Pas trop intéressant. Et du coup c'est très c'est très en dents de scie, mais il y a des épisodes qui sont incroyables où tu rencontres enfin il invite des êtres humains incroyables qui ont un background de fou furieux, des choses à raconter et c'est vraiment trop cool. Et il y a des épisodes où t'as des personnalités de fou, tu tapes des barres, c'est trop bien. Et c'est hyper cool d'avoir ce truc où t'as un mec d'une industrie cinématographique un peu mainstream d'un peu de que nous on connaît, tu vois, oui. qui se confronte à cet univers là et c'est vraiment un truc très good vibe sans jugement et c'est trop bien. Voilà. Okay. Wow. Sexy People Podcast. Faut comprendre l'anglais du coup. Voilà. Ouais, mais par contre, ouais, c'est full anglophone, ouais, okay. Malheureusement. Okay. Mais voilà, si vous comprenez l'anglais, allez streamer ça. Encore une fois. Voilà, ouais. Okay, ouais, c'est vraiment de la balle. Très bien, très putain, bien. Merci, merci pour toutes ces recos. On a plein de choses à aller streamer. Yes. Bon, on a eu plein de trucs différents. Vous aviez d'autres trucs à rajouter, non? Bon, je crois qu'on arrive sur la fin de l'émission. Il y a Nathalie Imbruglia qui a sorti un nouveau morceau. Ça, on a bien compris. Il y a un placement de produit là, c'est pas possible. Ouais, tu touches un producteur là-dessus, ouais. Là-dessus aussi. Bah ouais, on va se quitter là-dessus. Bah écoute, c'était un bon hors-série hein, quand même. Bah oui, c'est un plaisir de revenir. Sacrée émission en accent. Ouais, on prendra la saison 3. Bientôt, on va la démarrer dès que possible. On sait que ça marche déjà, que la config fonctionne à peu près. Faut qu'on rajoute juste un petit chat ici, ce sera plus pratique. Mmh. Mais finalement, tout le reste s'en sort très bien. Oui, on s'en sort quand même. Et après, pendant que t'es à Tours, si on trouve des bons thèmes ou des bonnes choses à faire à deux, on pourra en faire à distance. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est juste ça le problème de config. Mais bon, les week-ends, je peux rentrer faire des podcasts. Et non, bah sinon pour vos actus du coup, Dimerys, on attend votre EP. On peut aller voir sur YouTube du coup, sur YouTube, Instagram, Facebook, vous avez tout ça. Tout à fait, on a tout ça. C'est vrai que je vous ai même pas tagué Dimerys. LinkedIn. Pas LinkedIn. C'est pas grave, on reviendra. On reviendra. Un prochain épisode, il y aura Tonio. Et là, vous allez vivre une vraie aventure. Spécial Dimerys pour la sortie de votre EP. Waouh, avec plaisir. Lourd. Cet épisode, je vous raconterai encore un concert vécu. C'est un concert où j'étais allé à Wembley voir un concert. Ouais. Et en fait, dans la chambre d'hôtel, je me suis réveillé. Pareil, je me rappelais pas de la soirée. Et en fait, Dave Grohl dans ton lit. Mais ouais. Ouais, et en fait, il s'est passé beaucoup de choses très bizarres. Mais je vous raconterai ça une autre fois. Oh, ah, c'est un teasing là. Lâchez les seuls. Il y a une ou deux personnes dans le chat qui savent de quoi je parle. Oh là là. Ça ne dites pas dans le chat. Ça tease pendant 6 mois quand même, mais c'est cool. Voilà. Et pour les autres actus, Clémence, toi. Bah, très calme du coup à cause du Covid. Ouais. Je sais que la prochaine date c'est en 2022 dans un festival en Inde. Pour Télème. Pour Télème. Ok. Les slacks, c'est ça a 4 mois, donc on va attendre un peu, on va travailler. Ouais. Ok. Moi aussi, ça me fait penser. De quoi, pardon? Non, rien. Vous avez un truc? Non. Un private joke. Ok. Et ok. Donc non. Et on peut vous suivre sur Télème. Il y a même pas de Facebook. Télème, sur anciennement Lands, ouais, sur Facebook. Ah ouais. Et puis ouais, allez suivre. Parce que pareil, Télème, c'est récent. Bon bah Lands, ouais, alors. Voilà. Ouais, et allez suivre Skaphos aussi pour voir ce qu'il fait. Le chanteur. Toi, Théo. Non. Ouais, non. Un groupe que tu vas produire, non? Un artiste Après les Strokes. Produisez-vous, c'est déjà beaucoup. Ah. Ouais. Bah, on te retrouve dans le prochain épisode. Ça crève. Hein. Ok. Ouais. Tu mets juste une petite photo. Oui, bah, t'inquiète, on trouvera un moyen de que tu sois présent quand même avec nous. Et puis, bah, nous, bah, on se retrouve à l'occasion. Hein, voilà. On verra. Un sketch à doubler. Ouais, on a un petit truc. Et d'autres, à sortir podcasts sur la chaîne YouTube. Putain, mais toujours mon. Voilà ce qui se passe. C'est chance mise. Ça aussi, il faut que je trouve pour le setup. Voilà, merci à ceux qui nous ont suivis dans le chat. Vous étiez trop cool. C'était trop drôle. Merci d'avoir été si nombreux et actifs. Restez flex. Merci à Chauve Sourire aussi. Voilà, merci à Chauve Sourire. Merci à ceux qui étaient là ce soir. Désolé à Camélia Jordana. Et ouais, mais c'était avec. On l'embrasse. On l'embrasse quand même. Bien sûr. C'est une super chanteuse. Non, j'ai dit au fond comme ça. Coupe. Je coupe, allez. Allez, bisous, à bientôt sur nos podcasts. On n'était pas prêt pour ça.